fait, il faut mettre de l'huile dans l'essence parce que sinon on va gripper la machine. Hein. 200 millilitres d'huile pour 10 litres d'essence. Voilà. Là, ton bidon, il fait ? Là, le bidon, il fait 10 litres. Donc il faut que tu mettes 200 centilitres de 200 millilitres d'huile. Ce qui fait 0,2 litres. Ouais, c'est ça, ouais. T'es sûr du calcul ? Ouais, je suis sûr, ouais. Si on se foire... Ah ben, on grippe la machine. On grippe la machine, ouais. C'est-à-dire que ça explose, ça... Ah non, elle sert. Elle sert. Elle monte en température et il s'arrête. Ce soir, la grosse nouveauté pour Radio Debout, c'est l'acquisition d'un groupe électrogène. On a Antoine qui a sorti son couteau suisse. Son Laserman. Qui est en train de... Déjà de hacker ce générateur qui est tout neuf. Ouais, là, je suis un peu déçu là. Les copains, ils ont acheté une petite mobilette de temps avec la bougie qui va sûrement perler au bout de la deuxième heure d'antenne. Mais bon, il y a un démon de bougie et puis on sait faire quand on a eu des mobilettes. Quel souvenir t'as de la mobilette, toi ? Moi, des voyages, des grands voyages en mobilette. On est à Marseille, en Espagne, tout ça quoi. Voilà. J'étais un grand voyageur en mobilette. Ouais, t'as été jusqu'en Espagne en mobilette, depuis Paris. Ouais, tout à fait. En même temps, le moteur de temps, c'est quand même très polluant, quoi. Du coup, moi, j'étais pour une option un peu plus contemporaine. On va faire avec, là. Là, c'est quand même une économie de combat, quoi. C'est la contenance de ce truc-là, pas ? Ouais, c'est 4 litres d'eau. Générateur qui va être rempli pour la première fois à quelques minutes de l'antenne de Radio Debout. Bon, ben voilà. Normalement, il faudrait mettre la prise de terre, quoi. Donc ça prend. On va le démarrer, puis après on verra. Allez. Juste à terre, Faut pas mettre là. Faut pas mettre là. Non, non, ça c'est pour avoir le courant, je pense. Sûr ? Ouais, c'est pour. C'est pas le nôtre hein, qui vient de démarrer, je vous rassure. Attends. Le Brélon de Radio Debout est prêt à partir. Yo ! On fait un concours en fait. On fait un concours d'endurance. Radio Debout, 50 mars. En direct de la place de la République. Et toujours, oui. Toujours. Un peu en retard, mais. Un petit peu en retard, mais toujours là, il fait beau, il y a énormément de personnes encore autour de nous, beaucoup de sourires et plein de gens qu'on aime et qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Donc, et bientôt, plus de monde sous la tente de Radio Debout qu'à l'AG. Bientôt, plus de monde à Radio Debout qu'à l'AG. C'est pas encore le cas, mais bientôt, on espère. Et il faut préciser qu'aujourd'hui notre bâche est assez haute, on est sous une forme de cathédrale verdâtre, mais on est bien, toujours nos étoiles rouges pareilles au-dessus de la tête pour parler plafond. Et on va peut-être vous décrire un peu ce qui va se passer tout au long de ces 4 heures d'antenne. Alors on va commencer par un entretien avec François Ruffin, si tout va bien. A priori ça sera plutôt dans une heure. Ah, plutôt dans une heure, bah, voilà, on décale, je sais pas si on dit le programme, mais c'est aléatoire. Voilà, en fait, c'est un puzzle, plus qu'un programme. Voilà, on sera aussi en direct avec Saint-Étienne. Il y aura aussi la Courage Foundation en direct live de New York pour nous parler des lanceurs d'alerte et d'Edward Snowden. On sera également en duplex avec la Nuit Debout de Lyon. Un peu de musique aussi. On prendra des nouvelles du collectif de ciné-voyageurs également, un petit peu plus tard dans la soirée. Ce sera juste dans un instant, ça. Et ben voilà, dans un instant, le pulse se complète. Et puis aussi un économiste et une psychanalyste et des Allemands. Voilà, et puis il y a aussi Thiago Rodriguez qui sera là en interview, qui est actuellement en présentation au Théâtre de la Bastille. Donc voilà. C'est jusqu'à minuit. Et c'est un beau minuit. Programme. Jusqu'à minuit, un très beau programme ce soir, encore une fois. Voilà. Radio Debout, assis sous la bâche, place de la République, et on file à l'AG, qui se tient depuis quelques minutes, à quelques dizaines de mètres de nous. Mon avis compte autant que le vôtre, et c'est ça l'intérêt de ce mouvement, c'est aussi qu'à un moment donné, on a tous un avis, et que ce soit Le Pen, machin, bidule, bah, qui je suis pour dire que son avis il est merdique, qui je suis pour dire qu'elle a tort, on accepte tout le monde, qu'ils soient avec nous ou pas, et si on commence à dire eux ils viennent pas parce qu'ils sont d'un mouvement contraire, bah, ça veut dire qu'on dit nous on est de ce mouvement là et on fait la même chose qu'eux, on est à droite ou à gauche, bref, notre mouvement il sert plus à rien. Bon, bah, en fait, j'arrive après tout le monde, donc je suis à peu près d'accord avec ce qui avait été dit. De manière plus générale, je pense que Phil Kolkraut est un troll de venir ici, après tout ce qu'il a dit. Et je pense que la meilleure stratégie contre un troll, c'est de pas le nourrir. Et donc, tout simplement, s'il veut parler, qu'il parle et qu'on n'en a rien à faire après. Voilà, c'est tout. Oui, je vais pas être long du tout, hein. Mais ce monsieur qui se dit philosophe, faut quand même savoir qu'il a été dans une manifestation où ça gueulait « Vive Ariel Sharon ! » Hein ? Alors quand on nous dit qu'il faut pas le comparer à Le Pen, moi je sais pas trop à qui faudrait le comparer, parce qu'Ariel Sharon, c'est un salaud, c'est un massacreur, c'est un porc qui n'a rien à envier aux nazis. Si on commence à expulser des gens de ce mouvement, je pense qu'il perd sa force. Parce que ce mouvement, justement, c'est le peuple. Et le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est nous. Si on commence à expulser des gens, même s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a aucune chance pour qu'ils nous rejoignent. S'ils ne sont pas d'accord, eh bien qu'ils viennent. Et ils verront d'eux-mêmes que c'est un beau mouvement. Ils verront d'eux-mêmes et ils nous rejoindront. Même s'ils sont fascistes, même s'ils sont quoi que ce soit, qui viennent, ils verront la beauté de notre mouvement et ils nous rejoindront. Alors que si on ne les accepte pas, ils viendront jamais. Donc voilà, moi je suis absolument opposée à toute forme d'exclusion, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Merci. Donc j'avais deux personnes encore qui voulaient s'exprimer sur la question, Mathieu et Antoine. Bonsoir. Sur Finkielkraut, moi, ce que je pense, en fait, c'est que... Oui ? Je suis passé après les contestations radicales, donc je suis peut-être... Bon, alors, je vais être plus général sur pour laisser un peu la liberté d'expression. Si quelqu'un veut venir ici, moi, je suis ouvert à tout le monde, mais qu'il vienne ici... qui pose son cul par terre, qui lève la main pour prendre la parole, qu'on note son nom sur un bout de papier, et au moment où on l'appelle, là, il vient s'exprimer pendant 2 minutes, et pas autrement, pas en faisant, en créant un truc théâtral, en se victimisant, et voilà. Donc, sinon, pour revenir sur... quelqu'un a dit que huer, c'était mal de huer, mais pour moi, en fait, quand on eut pas une personne, on eut ses idées. Et en fait, parce qu'ici, on est à la fois personne, on vient anonymement, en quelque sorte, et on est à la fois personne et tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Eh bien, on est donc le 50 mars. On était en direct de la place de la République, comme d'habitude, Nuit Debout, avec l'AG, qui est une AG, si on veut, pour moi, c'est plutôt une tribune. Une tribune, voilà, où les gens parlent et il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises lors de cette AG. C'est pour ça que le terme d'AG, pour moi, il est un petit peu galvaudé, voilà. Et puis, encore une fois, on parlait de Finkielkraut. Peut-être que c'est un peu too much, pour ma part aussi, mais... Voilà, on va passer à toute autre chose. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey et Florian. Audrey qui fait partie des Scotcheuses, un collectif qui s'active autour des luttes de résistance et du cinéma. Et Florian qui s'active autour d'une camionnette, d'un vidéoprojecteur, d'un grand écran et entre autres... Et il s'est passé quelque chose. Ah oui, Arthur. Arthur, elle a fait les siennes. Ouais, Arthur. Ah oui, c'est le banc qui a basculé. Ben ouais, on va vous expliquer juste ce qui s'est passé un petit peu parce que comme ça, vous comprendrez bien. En fait, Arthur et Laure partagent un banc et quand il y en a un qui se lève, eh ben l'autre tombe. Et c'est ce qui s'est passé en direct. Vous l'avez pas entendu. Et moi, j'ai retrouvé Arthur en me retournant allongé par terre avec ses deux couettes bien au fond de la terre. Voilà. Voilà, mais tout le monde rigole, il n'y a pas eu de mal, c'est plutôt sympa pour une ouverture de 50 mars, on a bien apprécié l'affaire. Donc on revient avec Audrey et Florian, ils n'ont pas de retour, on va le chercher, mais ça va venir, peut-être qu'on peut se parler comme ça. Ah, t'en as Audrey. Alors, Audrey, Florian. On va passer directement dans le concret, puis après on viendra sur ce que vous faites chacun dans votre collectif respectif. Ce soir, on va pouvoir profiter d'un film. D'un film qui a été fait... Dis-moi, Audrey. Non, plusieurs films. Ah, plusieurs, mais dis-moi, dis-moi. Il y a plein de projections, en fait, qu'on a... Enfin, bah, Flo, tu peux y aller. Bah, du coup, là, en fait, au bout de la place, il y a un grand écran géant gonflable qui a été mis en place par le Ciné Voyageur. Et on va poser un certain nombre de films, plutôt des courts, courts moyens. Et je dois parler pour Flore ? Non, non, c'est moi, c'est ah, c'est toi. C'est mon retour, j'entends pas trop. Et voilà, et l'idée, on a... Là ? D'accord. Ça marche mieux ? C'est bon ? Techniquement, c'est bon. Donc voilà, j'en étais où ? Ouais, on a posé un écran, on est arrivé avec un camion qui vient d'Ivry, d'Arcueil même. Et du coup, l'idée, c'est de projeter des films à la fois sur la ZAD, au niveau thématique, ça va être sur la ZAD, et ça va être sur et contre les violences policières. Un certain nombre de films qui ont été réalisés, et voilà. Et ensuite, d'autres petits films qui ont été, qui seront surprises. Voilà. D'accord. Et donc, tout ça se fait en termes de contenu grâce aux scotcheuses, par les scotcheuses, et aussi... On a mélangé, en fait. Il y a du contenu des scotcheuses, il y a du contenu du cinéma voyageur et du contenu un peu annexe de choses qu'on avait envie spontanément pour cette projection-là, en fait, mettre en avant et que donc on a récupéré, quoi. Donc c'est un contenu mixte scotcheuses, cinéma voyageur et compagnie. D'accord. Alors, quels sont les... c'est sportif, hein. Il faut ouvrir les micros, il faut les éteindre parce qu'autour de nous, il y a une ambiance sonore qui fait que bien, c'est, il faut gérer les micros, c'est pas toujours très très simple. Alors, qui c'est qui... est-ce qu'on peut présenter les scotcheuses ? Les scotcheuses donc, essayent de faire, d'enrichir, de questionner, de propager le cinéma, enfin grâce au cinéma, d'enrichir les luttes et les résistances, si j'ai bien compris. Ouais, à la base, en fait, c'est des potes qui ont... En fait, il y a aussi une spécificité des scotcheuses, c'est qu'on fait des films en super 8. Donc ça paraît important, en fait. C'est une pratique qui, pour plusieurs raisons, nous paraît importante, pour des raisons de réappropriation assez facile de la technique, parce que c'est des caméras assez simples, qui étaient des caméras qui ont été démocratisées dans les années 70-80. C'était un peu des caméras qui étaient utilisées pour... c'était des caméras qui étaient utilisées pour des voyages, enfin des trucs de famille, des films de famille, etc. Du coup, c'est assez simple. Et du coup, le nom des scotcheuses vient d'ailleurs d'une petite machine qui permet de faire ces montages de Super 8, enfin de pellicule Super 8. C'est une petite machine où on peut découper et à la fois scotcher. C'est marrant parce que moi, je pensais que autour du cinéma, des luttes et des résistances, il y avait quelque chose comme aller scotcher les luttes, les résistances grâce au cinéma, en fait. Je pensais qu'il y avait quelque chose autour des scotcheuses en termes de termes. On peut tirer les mots et leur donner une polysémie. Le scotch, on apprend à le maîtriser aussi. Et voilà. Et oui, effectivement, c'est parti d'une aventure à partir d'une envie aussi de faire un pas de côté par rapport aux documentaires militants classiques et de retranscrire un imaginaire, d'ouvrir des horizons en fait qu'on a envie de développer, et en partant toujours du réel quand même et de jongler avec, et c'est comme ça qu'on a fait ces films par exemple sur la Z. Alors justement, il y en a combien des films ? Vous avez produit combien de films ? Il y a 4 films qui ont été faits. D'accord. Donc le premier c'était à l'occasion d'une fête des morts. Voilà, qui a été fait avec des potes. Et l'idée, c'était de filmer en 3 jours et monter et développer et monter sur place et le présenter à la fin. Après, les potes sont partis aussi dans une ferme dans le Tarn. Et là, ils ont fait un film qui s'appelle Anomalie, qui retrace de façon comique, un peu burlesque, un peu à la mode Chaplin, le puçage des brebis. Et après, on est parti sur une intuition en se disant « Ok, on va aller sur la ZAD ». Et là, ce qui nous a sauté un peu pour plein de raisons, que je vais peut-être pas forcément développer, mais c'était l'idée de faire un western, quoi. Et en fait, on s'est complètement éloigné du western, mais on en reprend les codes et on joue avec, parce que les westerns sont quand même assez misogynes, enfin voilà. Et on se disait que c'était intéressant pour des raisons de territoire, de qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que le capitalisme qui débarque et tout ça. Et du coup, on se disait qu'on pouvait faire des parallèles avec ce genre cinématographique. Ça nous donne une contrainte aussi, une direction dans laquelle aller. Et voilà. Et après, la base, en fait, c'était de... C'est vraiment de se dire, y a des gens qui savent, il y en a qui savent moins, et du coup, comment on transmet les savoirs, et on répète souvent qu'on est un collectif de cinéma, mais pas que. Parce que voilà, à côté de ça, on fait la bouffe, il n'y a pas... Enfin, c'est apprendre à vivre ensemble aussi, et à gérer tout ensemble, et à être dans l'autogestion pour tout, et pas seulement avoir une pratique artistique et scotcher des luttes, c'est aussi en faire partie, quoi. Pour nous, c'est ça. Alors, avant de présenter le ciné voyageur un peu plus en détail, on va faire un petit tour à l'AG. Et s'y poursuivre. Depuis la nuit des temps, les hommes ont trouvé dans les plantes le moyen de contrer la maladie, et ce, aux quatre coins de la planète. Cette médecine, d'abord largement reliée au monde spirituel, a été, au cours des âges, étudiée. Et la biologie est venue faire la preuve de son efficacité. Durant des siècles, les herboristes de France et du monde entier étudièrent les plantes, confectionnèrent des remèdes, souvent par le biais d'une chimie simple et proche du cycle naturel. Et voilà qu'en 1941, au tournant de la Seconde Guerre mondiale, on vit se dresser l'ordre des pharmaciens, une organisation syndicale inspirée par une vision obscurantiste du progrès et par les doctrines collaborationnistes de l'époque. Ce syndicat, partenaire de l'industrie pharmaceutique, se souleva contre le bon sens, contre la nature, contre les hommes, et obtint du gouvernement du maréchal Pétain la suspension définitive du diplôme d'herboriste. Depuis, cette tentative ostensible de museler la population, de la rendre esclave d'une chimie abrutissante et morbide, cette tentative de déposséder les hommes de leur bien le plus fondamental a été mise au jour. La population commence à ouvrir les yeux, et les herboristeries résistent. Des formations non officielles à ce métier existent. Très souvent, des gens sont arrêtés. Des herboristes. Au nom d'un lobby pharmaceutique fasciste qui se constitue partie civile et attaque les herboristes pour exercice illégal de la médecine. Nous devons militer pour l'officialisation du diplôme d'herboriste. Nous devons militer pour nous affranchir du dictat de l'industrie pharmaceutique. Et semencière. Machiavel disait que gouverner, c'est faire croire. Nous avons été dupés. Si nous en sommes arrivés à l'âge où le peuple doit se gouverner, alors nous devons croire. Nous devons croire ensemble, croire que nous pouvons vivre autrement. La biologie nous dit que là où notre devise liberté, égalité, fraternité se teintent de nos croyances, le monde du vivant, lui, n'obéit pas aux mêmes règles. Notre liberté est une croyance. La nature ne nous veut pas libres, mais nous contient le phénomène de la vie, maintient en vie les hommes dans un univers limité ainsi que chaque espèce. Notre égalité est par là même une croyance, un cap. La nature ne nous a pas fait égaux. Et proies et prédateurs usent de leurs conditions pour maintenir l'équilibre. En revanche, notre fraternité est vérifiée par la biologie. Alors à mes sœurs et à mes frères, ce soir, je souhaite une bonne nuit. Radio de fou. À mes sœurs et à mes frères, je souhaite une bonne nuit. 50 mars, Radio Debout, avec Florian et Audrey, Audrey des scotcheuses, Florian du Ciné Voyageur. Alors, le Ciné Voyageur, il est bouclé pour cet été ? Pas encore, mais presque, ouais. On commence à être bon, là. D'accord. Tu peux un peu nous expliquer un petit peu le projet, depuis combien de temps il existe et qu'est-ce que vous faites, hein, en fait ? Alors, le Cinéma Voyageur, c'est un cinéma itinérant de diffusion dans toute la France ou la francophonie, parce que ça nous arrivait d'aller en Belgique. On a un camion, une caravane pour vivre dedans. On tourne les 3 mois d'été sur les routes de France et on pose soit notre petit chapiteau qui nous permet de diffuser quand il fait jour, soit notre écran gonflable comme ce soir pour diffuser en plein air devant beaucoup de monde. Et on diffuse des films qui, le seul critère du cinéma voyageur, c'est des films en fait qui sont hors circuit, que les gens n'ont pas l'occasion de voir en fait ni à la télévision ni au cinéma, quoi. On avait envie en fait de pouvoir proposer un écran à des films qui soit restent cantonnés au filtre d'internet et à la dépersonnalisation que ça peut en avoir, soit restent sur des étagères. Donc en gros, c'est un peu ça. Et donc voilà, c'est la 7e année qu'on va partir sur les routes cette année. Et on essaye de occuper les places de village. Généralement, on essaye d'être au maximum entre la boulangerie, le café du commerce, la mairie et l'église, pour que les gens passent par hasard et se disent « tiens, qu'est-ce que c'est ?» et rentrent dans notre chapiteau ou sur l'écran, ou viennent voir l'écran, et se retrouvent à regarder des films qu'ils n'avaient pas prévu de voir. Et la seule com qu'on fait, c'est qu'on annonce projection, cinéma voyageur, donc les gens généralement ne savent pas quel film ils viennent voir. Justement, il n'y a pas de programme. Non. C'est pas dans 15 jours, rendez-vous pour voir le dernier film de Michael Moran. Non, pas du tout. On sait à l'avance où c'est qu'on va aller, parce que là, par exemple, depuis le mois de janvier, on cale les dates pour avoir des accueils et les autorisations et un peu du relais sur place en com pour annoncer la venue du cinéma voyageur. Mais après, sur le film en question, nous, on a un catalogue de films. On en sélectionne chaque année entre 10 et 15 qu'on ajoute au précédent. Donc en fait, on estime qu'un film n'a pas de date de péremption. Donc en fait, on garde dans le catalogue les films qu'on a sélectionnés les années précédentes. Et après, nous, on fait un choix, généralement une heure avant la projection, en fonction de l'ambiance qu'on a trouvée dans l'endroit, de quel film on va mettre. Et très souvent, on respecte pas du tout le programme qu'on a préparé une heure avant, quoi. Voilà, on essaye de jauger pour essayer de créer un fil entre la rupture et la complaisance. D'accord. Alors, les films que vous avez sélectionnés, que vous avez gardés, qui sont au catalogue, quels sont-ils, hein? Est-ce que... Alors, il y a vraiment de tout. En format, il y a du très court jusqu'à du très long. Il y a du documentaire, de la fiction et de l'expérimental. Et des sujets très variés, quoi. Nous, par exemple, alors c'est sûr que beaucoup de gens le sentent ou le voient, notre catalogue, on propose un cinéma qu'on assume quand même être politique. Et justement, on n'aime pas trop l'étiquette de militant, parce que justement, nous, on trouve qu'il y a des films en fait qui sont très politiques juste dans la forme, en fait, quoi. Parce que quand un film ne reproduit pas l'hégémonie de la monoforme de la télé ou de certaines choses, bah déjà c'est assez politique, en fait, sur le fait de montrer des images comme ça sur une place de village à des gens qui ne s'y attendent pas. Et donc on essaye un peu de jouer autant avec le fond que la forme, quoi. Donc d'essayer de décloisonner un peu et surtout essayer de surprendre les gens qui viennent nous voir. Est-ce que sur ces 7 ans d'expérience que vous avez sur les routes, etc., chaque été, est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote qui est significative de ce que vous portez comme projet? Alors, ouais, j'en ai une très bien. Enfin, moi, j'adore les échos des gens qui passent par hasard. Et nous, par exemple, nos séances, elles sont à prix libre à la sortie. Enfin, en gros, on n'a même pas de chapeau. C'est une boîte qui est fixée au chapiteau en fer. Et on explique avant chaque film qu'on a besoin de mettre de l'essence dans le camion, de manger, d'acheter du matériel. Et qu'ils sont libres de nous mettre ce qu'ils veulent dans la boîte. Et que si ça leur a pas plu, ils peuvent reprendre des sous dedans. Et voilà. Et donc, on n'y touche pas. Et ils sont libres de mettre l'argent qu'ils veulent. Et on était à Marseille. On avait fait une date en haut de la Canebière. Et on a une dame qui passe et qui nous dit « Ah, franchement, c'est vraiment super ce que vous faites, tout, d'emmener le cinéma comme ça, à prix libre, à des endroits où il n'y est pas, c'est vraiment super. » On lui dit « Ah ben merci, vous pouvez rentrer, il y a une projection qui commence. » Et elle nous dit « Ah non, mais moi j'ai les moyens d'aller au cinéma. » Voilà. Bon, ça c'est une anecdote un peu bête, mais moi ça dit des choses, ça dit des choses. On va conclure, je voudrais savoir comment on peut garder contact aussi bien avec les scotcheuses, savoir quand est-ce qu'on peut voir vos films, où on peut voir vos films, que vous, ciné-voyageurs. Du coup, on a une adresse qui s'appelle, je crois, scotcheuse@riser.net, mais je m'en souviens plus. Et sinon, c'est un peu ça, nous... De tête, est-ce que t'as des... Oui, il y a des dates, là. Ouais. On va devoir donner, on va... Quand le 30, avril, le 29 avril, on est à Nantes, à l'école d'architecture. Le 30, on sera à Douardonnay. Ensuite, on part à Marseille, de nouveau, parce qu'on y avait fait déjà 3 jours. On est à Manifesten le 28 mai. Et ensuite, dans les Hautes-Alpes, le 2-3 juillet. Et après, en Italie, peut-être. Et voilà. Et puis, on continuera. Et voilà. Et pour juste rembrayer un peu, là, on a une vraie rencontre aussi, assez belle aussi, entre le ciné-voyageur et les scotcheuses et d'autres copains sur Paris. Et on envisage... Parce qu'on sait, nous, on a des infrastructures assez lourdes à mettre en place. Il faut du temps de préparation. On est pas mal à être motivés à essayer de mettre en place en fait un kit de projection qui permettrait en fait une réappropriation aussi de l'espace public pour pouvoir projeter quand on a envie, etc. Donc on est en train de créer ça pour acquérir du matos qui serait à la fois léger, qui permettrait de rentrer dans une caisse et qui permettrait à des gens en fait de se réapproprier cette volonté en fait de réinvestir les places ou d'avoir du matos, qui est toujours un peu problématique. Donc mutualiser du matos en fait pour pouvoir projeter. Et du coup là c'est une rencontre qui est en train de se faire. Et voilà, et du coup les Parisiens et l'Île-de-France enfin, en général sera au courant assez rapidement. Voilà. Nous c'est facile, c'est cinéma-voyageurs.org et à toute notre tournée dessus sur internet pour nous croiser. Cet été on part en Normandie, en Bretagne, on descend dans le Pays Basque et on remonte vers la Bosse et tout quoi. Voilà. Et toutes les dates du cinéma voyageur sont sur le site cinéma-voyageurs.org. Eh bien merci de votre présence. J'ai été très content de pouvoir discuter, de présenter vos projets respectifs et puis ensemble. Et à bientôt, je passe la parole à Manon. Eh oui, ici Manon, toujours sous la tente de Radio Debout, sous la lumière mordorée du couchant de soleil. Et après ce ciné-voyageur, on va continuer notre road trip et on va aller entendre ce qui se passe à la Nuit Debout de Bruxelles grâce à un son envoyé par Guillaume. Nuit Debout, Bruxelles, 12e nuit, 48 mars. Les activités, il y a du travail manuel, le pochoir, de la projection vidéo et plein de petits trucs sympas. Voilà. Quel quoi celui-là? Alors, mais vu que l'AG s'est dispersé complètement, peut-être que ça va. Ok, il y a un nom. J'étais assez emballé par la nuit debout de Bruxelles à la base parce que ça a échangé vraiment des idées sérieuses et tout ça. Malheureusement, il y a eu un problème à mon avis, c'est que il y a eu pas mal de sous-groupes qui sont formés, qui sont pas allés dans l'action tout de suite alors qu'ils auraient dû. Ils sont pas souvent revenus faire le point avec l'assemblée. Et donc cette agora qui est un truc magnifique à la base a commencé à se disperser en des petits groupes comme là on fait ici. Sauf qu'au final, il ne reste que ces petits groupes quoi. Mouvement, tu viens chercher plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre, plutôt pas du tout? Moi je suis gaucho, mais de par mes idées quoi, parce que je renie absolument tous les dirigeants, pas les partis politiques forcément, mais absolument tous les dirigeants qui parlent en notre nom. Je reconnais plus leur influence, que je reconnais plus leur loi, parce qu'elles me représentent plus. Ça. Il est l'heure de parler autour de nous de ce rêve. C'est l'étincelle qui attise le flambeau d'autres autour de nous, qui nous permettra de lutter et d'éclairer l'obscurité qui nous entoure. Et ici, tu viens chercher quoi? Je crois que je viens chercher une mobilisation, enfin ma propre mobilisation. Je viens me chauffer avec d'autres gens pour que de cette grande mobilisation de laquelle il ne va rien sortir, avec d'autres gens, peut-être 3-4 personnes, on fasse des trucs à notre échelle. Comme parler avec les SDF qui sont là, dormir avec eux, essayer de les aider un petit peu. Des choses que j'ai jamais faites avant, mais que maintenant je fais quoi. Tu t'attends pas à une réalisation concrète, politique des Nuits Debout? Non, ça n'arrivera pas, je pense. Mais je pense que quand il y aura un Rémi Fraisse épisode 2, on va tous monter dans nos capitales respectives et que là, ça va péter. Et que les gens des Nuits Debout, ils seront. Alors qu'ils n'y auraient peut-être pas été s'il n'y avait pas eu ce mouvement. T'as l'impression que les gens ici ils viennent chercher quoi? J'ai l'impression que ils essayent de pas se sentir seuls dans leur combat. J'ai l'impression que, bah, comme tout le monde le dit, quoi, qu'il y a des choses qui clochent, mais on se sent tout seul. Donc on vient essayer d'en parler, on vient essayer de voir si les autres gens pensent aussi qu'il faut virer tout le gouvernement et le refaire à zéro, si les gens pensent aussi qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, ou des choses comme ça, quoi. Et pas forcément, les gens pensent pas du tout forcément tout ça, mais c'est ça qui est très enrichissant. Et le débat crée énormément de choses, quand il y en a. J'ai partagé pas mal de choses avec des SDF qui sont juste là et qui sont vraiment des types géniaux. J'ai fait beaucoup de musique avec des gens. J'ai parlé de culture. Chaque personne vers qui je suis allé m'a fait un grand sourire et a été potentiellement ouverte à une discussion. Personne qui soit ici soit ouverte potentiellement à une discussion. Et même à des projets si on leur en proposait. Quoi. Ça aussi. C'est que si maintenant, moi, j'avais la solution, bah j'arriverais, je pense que les gens me suivraient, quoi, m'écouteraient. Mais je l'ai pas, dommage. Toujours sur Radio Debout, on continue notre voyage sur les ondes radiophoniques et maintenant on se dirige vers Saint-Étienne où je suis en direct avec Albin. Coucou Albin, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Parfait. Alors, non, t'entends pas super bien. Je vais rapprocher le téléphone. Voilà, c'est mon premier insert, il faut le savoir. Alors, toi, t'es à Saint-Étienne, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne ? Il y a une nuit debout, c'est ça ? Bah ouais, écoute, il y a une nuit debout qui a commencé tranquillement, on va dire, depuis le 5 mars. Le mardi 5 mars, on a commencé sous la pluie. C'est un peu balbutiant comme début, mais ça se met en place et ça se structure petit à petit. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Il y a une assemblée générale, des commissions, comment ça se passe ? Oui, alors il y a eu rassemblement, il y a eu des assemblées générales et du coup on s'est répartis en petits groupes pour pouvoir s'exprimer. Il y a des moyens qui sont mis en place avec des gens qui nous aident pour pouvoir parler dans les micros, tout ça. On a mis aussi en place des outils de communication type Framapad, mailing, après Facebook, Twitter, etc. Mais ce qu'on se dit, ce qui est important, c'est que ces moments-là où on se rassemble sur les pattes, c'est le moment où on s'exprime, où il y a plus de force. Et ce qui nous permet de construire nos actions. D'accord. Et alors, comment ça se goupille ? Vous vous réunissez tous les soirs ? Non, pour l'instant, on a eu 10 rassemblements, mais il y a aussi des moments plus informels où les gens ils avaient envie de venir sur la plage d'Anjorès et qui permettent aux gens de s'installer sur la place publique. On a fait des peintures sur le sol, on fait de la musique, des moments voilà, où on nous a laissé... tranquillement sur la place, la police a été bien sympa avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à communiquer. Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière à la base, avec une industrie qui a été déclinante à partir des années 70, avec la fermeture des mines, avec la fermeture de Manu France, etc., et qui a eu beaucoup de mal à se reconstruire. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est quand même une ville qui, au final, est en avance sur les problèmes par rapport à beaucoup d'autres. Et je pense qu'on va commencer à avoir des solutions aussi assez rapidement parce que ça fait longtemps qu'on a des problèmes de pauvreté, ça fait longtemps que c'est une ville où il y a des problèmes entre les différentes couches sociales, etc., où il y a beaucoup de manque de dialogue. Et du coup, il y a plein de choses, l'activité associative, il y a une grosse part associative à Saint-Étienne qui fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui bougent et qui commencent à bouger de plus en plus. Et la nuit debout, c'est aussi une concrétisation de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur, je pense, à Saint-Étienne assez rapidement. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples, justement, de dispositifs qui sont en train de se mettre en place ou d'exemples concrets, un peu ? Là, dans le cadre de la nuit debout, ça commence plus, vraiment plus dans des espaces de discussion. fond pour l'instant, même si on a commencé à initier un petit peu quelques actions. On a notamment, dans le cadre d'une manif la semaine dernière, fait un mur d'expression qu'on a construit à partir de cartons qu'on avait récupéré, tout ça, qu'on a installé sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, où en fait les gens pouvaient venir laisser une trace dans l'espace public des manques qui pouvaient souligner des choses qui leur déplaisaient politiquement ou pas. Et ça a été une première action en fait qui a vraiment suscité de l'engouement et qui, je pense, est à reconduire. On a plein d'idées pour la suite, pour vraiment réinvestir l'espace public. Ça, c'est quelque chose qui est dans la Nuit Debout à Saint-Etienne assez présent, parce que au final, à chaque fois, on essaie de nous éjecter de l'espace public. L'espace public, tout se passe bien à partir du moment où tu y passes. Mais dès que tu y restes, tu commences à avoir des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé à se réapproprier. On va essayer de mettre en place des événements autour de ça pour essayer de faire changer les choses. Bah, on vous souhaite bonne chance en tout cas et plein de nouvelles idées et de concrétisation de tout ça. Nous, on va reprendre l'antenne pour aller voir ce qui se passe ici à Paris. Bah, en tout cas, merci beaucoup et puis longue vie aux Nuits Debout de Saint-Etienne. À bientôt. Bah, merci. Salut les gars. Alors voilà, toujours Radio Debout en direct de la place de la République. Alors dans un instant, on continue toujours nos voyages, mais cette fois c'est avec Thiago Rodriguez. Et ensuite, mais juste avant, pardon, on va aller voir ce qui se passe à l'AG. Autant c'est que on peut peut-être dépasser ça et peut-être aller viser un peu plus haut que juste une loi. Et du coup, j'en ai parlé à Diana et ça tombait bien parce qu'elle avait une idée de proposition d'action, enfin d'un truc à faire, et donc elle va vous en parler juste après. Juste l'explication de pourquoi cette idée, c'était viser le gouvernement, voire même directement le président de la République, tout simplement parce qu'il ne représente quasiment plus personne aujourd'hui. Déjà à la base, quand il a été élu, il ne représentait pas grand monde, si on prend en compte l'abstention et les gens qui ont voté pour lui uniquement au premier tour. Par la suite, il est élu déjà depuis 4 ans, il ne respecte pas son programme. Il met en œuvre une autre politique pour laquelle il n'a pas été élu. Il fait passer en douce des nouvelles réformes, comme je suppose vous avez entendu, sur le changement des règles vis-à-vis des élections présidentielles pour l'année prochaine. Il n'y a eu quasiment aucun débat dessus, très peu de communication. Il gouverne dans le cadre d'un état d'urgence depuis quelques mois déjà. Il n'y a eu jamais aucune consultation populaire, démocratique sur cet état d'urgence. Donc on est encore gouverné sans avoir eu notre mot à dire dessus. Théoriquement, si on suit les règles du système telles qu'elles nous sont proposées, on est censé se prononcer dans un an à l'élection présidentielle, selon les candidats différents, peu importe. Ça veut dire que pendant un an, là, si on est sage et qu'on est gentil, pendant un an, on laisse à Hollande et au gouvernement le pouvoir de pouvoir continuer à faire des lois comme la loi El Khomri, le pouvoir de pouvoir continuer à faire des trucs comme l'état d'urgence, et on les laisse décider pendant un an en disant « bon, bah peut-être que l'année prochaine, ça changera tout ». Et par ailleurs, il y a Diana qui, lorsque je lui ai parlé de ça, et je vais lui laisser la parole juste après, elle me disait, en plus, ça veut dire que pendant un an, ils vont continuer à être payés pour faire ce pourquoi on ne les a pas élus. Voilà, donc je lui laisse la parole pour la proposition. Du coup, notre idée, c'est d'envoyer une lettre tout simplement de licenciement à François Hollande et à tous les membres de son gouvernement. Merci. Donc une lettre type de licenciement pour faute grave. Donc il n'y a pas d'indemnité. Départ immédiat, sans salaire, parce qu'il a un salaire à vie, vu qu'il est président, donc sans rien. Donc, c'est une lettre qu'on voudrait remettre au cours d'une action médiatique. Donc, tous ensemble, inviter plein de médias, Radio Debout, Télé Debout. La lettre n'est pas écrite encore, vraiment. Donc, si, tous ceux qui sont intéressés, si tu es intéressé, tu viens là, on va rester un peu sur le côté. Donc vous venez discuter avec nous, on va rester là 30 minutes. Donc comme ça, on l'écrit tous ensemble et on va la remettre tous ensemble. Voilà. Merci. Ciao. J'appelle maintenant au micro Enro, suivi de Richiem. Mais juste avant, j'ai un point information qui dure 15 secondes. En 15 secondes, alors c'est pas forcément donc en opposition avec l'AG, mais c'est pour informer qu'il va y avoir un atelier sur la dette grecque qui va commencer juste derrière la tente blanche de Hôpitaux Debout avec Eric Toussaint qui est un membre du CADTM, donc collectif pour l'annulation de la dette du tiers-monde et qui a notamment travaillé sur l'annulation de la dette grecque donc dans la commission Vérité pour, sur la dette grecque. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés, mais sinon bon AG à tout le monde. Maintenant la parole à Enro, mais je le vois pas, donc on va donner la parole à Richie M. Ici, Radio Debout. Et donc on est sur la place de la République, donc à Paris, en direct sur Radio Debout avec Thiago Rodriguez pour un petit voyage vers le Portugal. Thiago Rodriguez, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Je suis Thiago, je suis metteur en scène, écrivain, comédien. Je travaille au Théâtre National Dona Maria, le Théâtre National de Lisbonne. Tu diriges ? Oui, je travaille, oui. Le directeur travaille aussi. Voilà, je travaille, je me présente toujours comme ça. Je travaille au Théâtre National, comme les autres 80 personnes qui travaillent. Et à présent, je suis avec un projet partagé avec le Théâtre National, au Théâtre La Bastille à Paris, en présentant des spectacles ici, Bovary, et aussi en faisant quelque chose qu'on a appelé Occupation Bastille, qui est plutôt un projet artistique, mais partagé avec toute l'équipe du Théâtre La Bastille, avec 70 spectateurs et des comédiens portugais et français. Et en fait, toujours, aujourd'hui, on a passé tout le jour en train de discuter qu'est-ce que ça fait qu'on a appelé à ce projet il y a un an Occupation. Il y a le monde autour de nous et le mot Occupation est tellement actif, vivant et fort autour de nous, partout. On est à quelques minutes de la République. Je passe ici tous les soirs après le spectacle ou les répétitions et soudainement, ce mot-là nous transporte à tout un débat politique qui certainement serait déjà là dans ce projet artistique, mais qui maintenant nous pose des questions nouvelles. Et voilà, c'est un moment, je dois dire, incroyable pour être à Paris en train de travailler et de vivre toute cette atmosphère et cette aventure qui se passe ici. Oui, complètement. La concordance du temps entre Occupation Bastille et Nuit Debout est un peu troublante. Est-ce que tu peux nous raconter ce que toi ça t'évoque ? Est-ce que ça te rappelle les contestations au Portugal ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 au Portugal ? Les contestations, est-ce que c'était cette ambiance-là ? Puisque tout d'un coup, le peuple est allé dans la rue. Oui, le 15 septembre de 2012 au Portugal, on a eu la plus grande manifestation publique d'indignation depuis la révolution de 1974. Et c'était ça a commencé comme une indignation d'une génération, la mienne, disons, les fils déjà de la démocratie, mais ça a devenu très très vite de toutes les générations. Ça a créé une cohésion sociale autour de l'indignation contre surtout la politique d'austérité d'un gouvernement de droite, mais aussi les impositions des institutions européennes pendant ces dernières 4 années qui étaient vraiment incroyablement dures pour les Portugais et surtout pour aussi la culture et les artistes. Est-ce que c'est un moment aussi où le peuple portugais s'est mis à se parler entre lui comme on fait nous ici ? Ça a été vraiment une agora ou comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, on a eu aussi, on les appelait pas les Nuits Debout, mais on a eu un peu cette expérience, je dois dire, pas tellement organisée. On n'avait pas une radio, par exemple, mais il y avait toute une expérience qui a duré quand même des semaines dans la place de Rossio, au centre de ville, juste en face du théâtre où je travaille maintenant. Et même maintenant, je travaille dans une salle avec une petite fenêtre pour la place. Alors, j'ai premier rang du balcon pour toutes les grandes manifestations qui se passent au Portugal, parce qu'elles sont toujours dans cette place-là, du Rossio. On a eu une espèce d'occupation de cette place, des débats. Et je pense que même si l'indignation publique dans la rue n'est pas dans le caractère fondamental du peuple portugais, parce qu'on a vécu quand même 48 ans de fascisme, de dictature de droite, la plus longue dictature de droite dans l'Europe dans le XXe siècle, c'est aussi encore une société qui a du mal à s'indigner. Et là, par exemple, cet exemple d'ici, de la République, c'est quelque chose qui donne à parler beaucoup au Portugal. Ça résonne beaucoup au Portugal, même si maintenant, c'est un moment de quand même beaucoup d'espoir, parce que depuis 5 mois, on a un gouvernement de gauche avec un soutien dans l'Assemblée République de toute la gauche. Ça, c'est nouveau depuis plus de 4 décades de démocratie au Portugal, que le Bloc de Esquerda, qui est un peu front gauche, disons, un rassemblement de plusieurs gauches, et les communistes et les socialistes se mettent d'accord sur un gouvernement, et ça donne beaucoup d'espoir, même si la situation est encore très difficile. Alors à présent, il y a beaucoup de choses qui se passent, des lois qui commencent à passer, il y a un discours public d'un gouvernement contre l'austérité européenne, et ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était déjà le cas en 2012, il y a 4 ans, au moment des indignations portugaises. C'est un mouvement qui a duré longtemps, qui a débouché sur un mouvement politique qui a changé les choses, qui a aidé à faire changer les choses. Je pense que c'est un mouvement en 2012 qui a fait bouger la pensée des politiciens, des partis, et qui a obligé quelques partis, surtout évidemment la gauche et plutôt les socialistes, à repenser leurs convictions idéologiques, à abandonner une façade de socialisme qui est plutôt néolibéral, et les socialistes, surtout à Portugal, ils ont tourné à gauche, ils ont tourné vers les gens qui ont quand même dans les socialistes une pensée idéologique et qui prend des décisions idéologiques, et je pense que ça a, pendant les dernières années, 3-4 années, généré une ouverture dans les grands partis vers les mouvements citoyens. Je ne peux pas dire, parce que je ne suis pas analyste politique, je ne peux pas dire si ça a épaisé un peu les mouvements citoyens, si ça les a annulés ou pas, mais alors je ne peux pas dire que si historiquement c'est un bon symptôme que ça s'est passé. Mais ce que je reçois, c'est que les partis ont vraiment repensé, surtout la gauche, repenser complètement leur rapport avec les électeurs, la démocratie, le peuple. Et ça a donné origine à ce que je pense que c'était le changement, pas seulement de direction de vote des Portugais dans les dernières élections, mais la façon dont les partis ont compris ce vote-là. Ce qui est très important, parce que ce n'est pas juste le vote, il faut après demander aux politiciens, aux élus, de comprendre constitutionnellement, démocratiquement, le sens de vote. Et donc ça fait 4 mois maintenant qu'il y a le nouveau gouvernement de gauche. Ça fait, c'était fin octobre, mi-octobre, alors c'est à peu près 6 mois. 6 mois, et tu sens ça, tu sens quand même une inflexion qui va dans le bon sens, le sens de l'espoir, on pourrait dire. Il y a beaucoup à faire, je pense. Il ne faut pas rester silencieux, il ne faut pas se taire encore et applaudir seulement. Mais bien sûr, il y a déjà des politiques fiscaux, financières, économiques qui sont vers les pauvres, ceux qui ont besoin de plus de soutien et de taxer, disons, les grandes richesses. Alors c'est une inversion totale vers les dernières décades de néolibéralisme sauvage au Portugal. Il y a un discours très fort vers la culture. Par exemple, le Théâtre National, où je travaille, a eu son budget augmenté pour la première fois en une décade. Alors ça veut dire beaucoup, mais c'est encore plutôt un chemin qu'on peut comprendre comme symbolique. On manque encore plus profondément des décisions, des actions, des lois qui vont vers le bon chemin. Et si on revient sur la question justement de ce que tu fais avec Occupation Bastille, mais d'une manière générale, le théâtre, ça permet comment l'art il trouve sa place là dans ces mouvements de contestation, et comment est-ce qu'on peut articuler une chose avec l'autre? Alors, Occupation Bastille, c'est révolutionnaire, le théâtre. Ah, ça c'est une question incroyable. Voilà, je prends comme exemple Occupation Bastille. Occupation Bastille, c'est un projet artistique avec ce nom-là. Ce n'est pas une occupation militante, laborale, syndicale, mais c'est quand même une occupation autrement, avec des spectateurs, des techniciens, des producteurs, des administrateurs, des comédiens, des artistes, tous ensemble, du premier moment, en pensant qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu qui, pendant 2 mois, décide courageusement, comme le Théâtre de la Bastille, dans une idée très engagée de Géraldine Chailloux, qui travaille et qui a vraiment fait bouger ce projet, que le Théâtre de la Bastille dit on prend pas, on va pas rester dans la consommation avec le public, on laisse entrer le public pour les présentations, on laisse entrer le public pour la répète, on fait avec et on construit et on repense comment on fonctionne. Bien sûr, c'est une révolution déjà au niveau de comme, le modèle fonctionnement dans lieu comme le Théâtre de la Bastille, mais différent des occupations traditionnelles où le propriétaire est d'accord en ce moment-là avec l'occupation et nous invite même à occuper. Mais bien sûr, je pense que le théâtre ne pense... Moi, j'ai mal à l'aise à dire que le théâtre est une révolution qui peut vraiment transformer le monde, mais je crois profondément que c'est l'antichambre de l'action. Je crois au théâtre comme les Grecs, comme les Français, comme les Portugais, comme un lieu où on se rencontre autour des voies artistiques, des propositions artistiques qui peuvent être, à cause de l'assemblée humaine qui est toujours le théâtre, une antichambre de l'action. À ça, je crois profondément, ça me fait lever et rentrer dans des théâtres tous les jours pour précisément nourrir l'espoir qu'il y aura des conséquences après cette antichambre de liberté, de pensée, de création. Eh bien, c'est sur ces paroles, en fait, de révolution et d'appel à l'action, en fait, aussi par le théâtre, par les arts. On retourne à l'AG, donc, toujours sur Radio Debout, retour à l'AG, en direct de la place de la République. Merci, Thiago Rodriguez. Merci beaucoup et bon courage pour Radio Debout. C'est un travail incroyable que vous faites. Je vous suis. Merci. Et la croissance, c'est d'abord celle du rythme du vivant, de tout le vivant. Et donc, on a, pour ça, il y a des actions qui sont prévues, notamment une proposition d'action symbolique, éteindre les vitrines à l'échelle de plusieurs quartiers dans Paris de manière synchronisée. Donc là, l'idée, c'est on va essayer de fixer une date prochainement et il y aurait sans doute quelqu'un qui viendrait pour nous former, pour faire ça de manière... Ça imposerait pas de cassage ou quoi que ce soit. Donc il y a une technique et donc ce serait voilà, d'éteindre ces vitrines. Une deuxième mobilisation à prévoir contre la construction du plus grand centre commercial d'Europe, Europa City. Ce centre commercial est à l'opposé de ce que nous défendons. Le modèle de circuit court, les AMAP, les commerces de proximité, les échanges entre consommateurs et producteurs. Il faut à la fois redonner du sens à la consommation, mais surtout ne plus rester de simples consommateurs. Et donc c'est pour ça qu'on repense aussi la question donc, de l'agriculture urbaine pour que les modes de vie citadins puissent se rattacher à la terre qui est justement sous nos pieds. Voilà. Attends, reste ici, reste ici. Est-ce que tu aurais un endroit de rendez-vous pour les gens qui souhaiteraient venir en parler avec toi ? Par exemple, maintenant, juste derrière ? Ça peut être justement au stand de la commission écologique et juste après la tente rouge, juste avant ou après, selon... voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, maintenant, la commission loi travail, toujours pas. Alors, Marius J. Bon, alors... Si, super. Bonsoir. Je vais vous lire un texte collectif. Radio Debout, on continue. C'était l'AG, l'Assemblée Générale Populaire sur la place de la République. On est avec Manon, qui est sur le plateau, et avec on accueille François Ruffin, donc un ami de longue date, hein, avec qui on a fait moult reportages, moult aventures, radiophoniques aussi. Hein. C'est là, c'est une nouvelle aventure radiophonique qu'on fait avec une autre équipe. Hein, voilà, donc on est dans cette utilisation de la radio comme... On fait de la radio comme un sport de combat, quoi, d'une certaine façon. Et François aussi, toi, tu fais des films de combat. Tu as fait un dernier film qui était un film de combat. Ah, si, quand même. Parce qu'en tout cas. C'est le pluriel qui ne va pas. J'ai fait un film. Ouais. Un seul. Toujours, j'ai fait un film par inadvertance, mais je suis pas réalisateur. Et voilà. Non, j'ai pas dit que tu es réalisateur. Tu as fait un film. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi tout ça. Et ça participe aussi de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, je pense que oui, j'accepte d'en avoir été à l'initiative avec d'autres personnes, quoi. Alors moi, j'ai pas vu le film, j'avoue. Je dois le reconnaître. Je pense que je suis la seule personne sur cette place à ne pas l'avoir vu. Mais ma grand-mère a adoré. C'est pas grave, comme ça, il nous reste du potentiel en termes de marché. Exactement. Vous pouvez continuer à faire des projections un peu partout. Ça marche bien d'ailleurs les projections, non ? Oui, ça va, ça roule. Et alors moi, j'ai lu quelque part que le but aussi, de ce film, J'ai regardé plein d'interviews en me disant, bon, j'ai pas vu le film, mais du coup, je lis tout ce qu'il y a autour. Il y avait un critique que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Gibeau, qui a reçu le prix du roman populiste, et qui écrivait parfois pour le Canard Enchaîné, qui disait, je ne vais jamais voir les films que je dois critiquer, ça pourrait influencer mon jugement. Et ça serait dommage. Et alors moi, je me disais, ce film, c'est un peu une dénonciation de notre système, quand même, bon, de ce que j'en ai lu. Et après, en ce moment, on enchaîne un peu les dénonciations, les Panama Papers et ce genre de choses. Et je voulais savoir, après, de dénonciation en dénonciation, il y a un moment où il faut qu'on agisse. Et alors, est-ce que Nuit Debout, ça va être suffisant? Est-ce qu'il va encore falloir des scandales et des scandales ou d'autres films comme le vôtre? Alors moi, de toute façon, je pense que ce film n'est pas un film de dénonciation. Et ça fait longtemps que Fakir n'est plus un journal de dénonciation. C'est-à-dire que je fais le constat que finalement, la dénonciation des pesticides, la dénonciation des scandales financiers, la dénonciation de la corruption des politiques, ça peut être au contraire un moteur de démotivation politique et conduire parfois à davantage de résignation. Je ne suis pas sûr que les Panama Papers conduisent à une révolte dans le pays si jamais on ne propose pas des pistes d'action. Donc c'est un film, c'était défini par Frédéric Lordon dans Le Monde Diplomatique comme un film d'action, d'action directe, et je le définis comme un film d'action directe, mais de la même manière que à Fakir, chaque fois qu'on fait un article qui pose des problèmes, on essaye d'énoncer les pistes des solutions. Soit qu'on s'efforce de les mettre en partie en œuvre nous-mêmes, soit qu'on indique les chemins. Mais ce qui aujourd'hui peut redonner, rebooster le pays, c'est pas de s'enfoncer dans la dénonciation, c'est de proposer, je veux dire, le succès de mon film ou d'un film qui est complètement différent, qui est le film Demain, son succès est dû au fait qu'ils ne se contentent pas de dénoncer, au contraire, ils proposent des alternatives, dont un certain nombre on peut penser qu'elles sont illusoires, mais enfin, son succès est dû à ça. Et je pense que si on veut réveiller le pays, c'est en proposant des chemins d'espérance. Il y a une phrase d'Emmanuel Todd que j'avais mis en une de Fakir et que j'aimais beaucoup, il disait grosso modo, aujourd'hui, il y a quelque chose de pire que le chômage, il y a quelque chose de pire que la baisse des niveaux de vie, c'est le sentiment d'impuissance. Le sentiment que nous n'avons plus en main notre destin commun. Et je pense que c'est le gros problème. C'est comment on peut redonner aux gens le sentiment qu'ils peuvent faire quelque chose sur leur vie, mais aussi sur le destiné de leur ville, de leur pays, et ainsi de suite. Et c'est le gros problème. Dans les années 70, il y avait des réunions du Parti communiste et les gens, ils commençaient par faire un point sur la situation internationale. Mais pourquoi ils faisaient un point sur la situation internationale? Parce qu'ils pouvaient avoir le sentiment d'agir avec leur parti. Ça pouvait être illusoire. Et puis tout ça, on peut critiquer le PC, c'est pas le problème. Mais ils avaient le sentiment d'avoir un instrument sur lequel ils pouvaient agir sur la situation internationale. Si aujourd'hui, vous dénoncez ce qui se passe en Afrique et puis tout ça, mais, et que les gens, de toute façon, ils ont le sentiment de rien pouvoir y faire, voilà, il faut trouver les chemins qui donnent aux gens le sentiment qu'ils peuvent sortir de cette impuissance. Et alors, ce serait quoi concrètement ces chemins? Ou alors ces instruments? Ouais, ils sont nombreux. Voilà, je veux dire, si je possédais le... Je ne suis pas Mao Tse-Tung, je ne suis pas Lénine. J'espérais secrètement. Mais... non, je ne suis pas Mao Tse-Tung, je ne suis pas Lénine. Il faut faire en fonction des situations historiques, des attentes des gens, procéder de mon point de vue à une analyse de classe, de qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis toujours pour la... Je ne suis pas un homme qui regarde droit vers l'horizon et qui dit, voilà, c'est là qu'on peut aller. Par contre, on a fait un premier pas. Maintenant qu'on a fait ce pas-là, quel est le pas supplémentaire qu'on peut faire? Et peut-être qu'à force... Moi, je pense que la France, le peuple de France est un peuple comme qui est dans une sorte de convalescence. Les classes populaires se sont pris 30 ans de mondialisation droit dans la gueule, et donc ça c'est un c'est quelque chose qu'elles portent dans leur âme, quoi. Et que leur dire aujourd'hui, eh ben, regardez, la révolution c'est par là-bas, il n'y a personne qui entend ça. Donc il faut trouver le chemin qui fait qu'on fait un premier pas, on redonne le moral aux gens avec un premier pas, et une fois qu'on a fait le premier pas, on se dit c'est possible d'en faire un deuxième, et peut-être qu'à la fin c'est possible de revenir vers l'horizon. Alors le prochain pas, c'est quoi? Séparation du MEDEF et de l'État? Je veux dire, là malheureusement on n'est pas responsable. Aujourd'hui, on a peu de leviers à l'intérieur de l'État et on n'a aucun levier à l'intérieur du MEDEF. Donc je la souhaite, la séparation du MEDEF et de l'État. Je pense qu'on pourrait avoir des manifs constamment devant l'Institut Montaigne, puisque quand même on est dans cette situation où un ministre de l'économie lance un mouvement hébergé par un think tank ultra-libéral lancé par le patron d'AXA. Donc je pense qu'on peut faire on doit être à Nuit Debout à Place de la République, mais il pourrait y avoir une filiale de Nuit Debout devant l'Institut Montaigne pour demander la démission d'Emmanuel Macron. Je veux dire, ça paraîtrait la leçon numéro un. Maintenant, il y a une leçon aussi qui à retenir, c'est que que constamment les ministres de l'économie qu'on a eu, y compris les ministres socialistes, étaient des ministres qui étaient très intimement liés au milieu d'affaires. Mais donc voilà, ça on ne peut pas en décider. Moi je pense qu'il y a quelque chose dont on peut décider, c'est qu'est-ce qu'on fait à Nuit Debout. Voilà, là il y a des questions qui sont à se poser et qui dépendent en partie de nos choix à nous. Alors justement, il y a une réunion, il y a un rassemblement qui est prévu à la Bourse du Travail demain mercredi, hein, c'est ça, pour réfléchir à comment faire évoluer. Alors la situation évolue de toute façon, on voit que ça essaime un peu partout, que les mobilisations en banlieue et en région commencent à grossir. Et bon, et c'est de toute façon un mouvement, un processus qui prend du temps, hein, de prise de conscience, de s'impliquer petit à petit. Là, on voit bien qu'il y a de plus en plus de monde aussi autour de cette table de radio, sur cette place, à réfléchir, même si des fois on répète un peu les mêmes choses, mais ça prend, il y a un temps à tout ça, à tout d'un coup à s'impliquer, à que chacun s'implique. Alors c'est quoi les prochaines étapes et quel temps faudra-t-il? Alors, donc qu'est-ce qui va se parler demain à la Bourse du Travail? Je vais répéter. Il faut regarder l'étape qui a été réussie, l'invasion de la place de la République. Et il y a des très belles choses qui s'y passent. Tout à l'heure, je passais en AG et la sono tombe en panne. Et on renoue avec la tradition qui était celle de Jaurès. Quand Jaurès faisait un discours, il y avait un porteur de parole tous les 100 mètres qui répétait le discours et on retrouve ça. J'ai croisé un mec cet après-midi qui a emmené sa nana, une nana qu'il venait de rencontrer ici. Et ça s'est très bien passé avec la nana. Donc voilà, il y a plein de points. Il y a plein de points. On ne sait pas ce qu'on sème. On fait les choses et on ne sait pas ce qu'on sème. Maintenant, je ne crois pas non plus un mouvement. Je pense qu'il faut être lucide sur ce qui est sur notre implantation locale. Je pense qu'il y a un effet Google Maps, tu sais, où quand il y a trois personnes qui se réunissent à Agen, tu fous un point rouge un point rouge sur la carte et tu dis c'est bon, j'ai ma base à Agen. Donc il faut, de mon point de vue, si on veut progresser, il faut avoir une analyse lucide de qui on est socialement, de où est-ce qu'on est réellement implanté. Après qu'on dise à l'extérieur autre chose pour se faire croire plus puissant qu'on ne l'est, c'est une chose, mais que nous on ait conscience exactement de où on en est. Et moi je crois pas que il doit y avoir un mouvement de maturation qui va de soi, mais je crois qu'aussi par moment il y a des sauts. Il faut tenter d'opérer des sauts et pas seulement laisser la maturation s'opérer. On n'aurait pas tenté un saut, il n'y aurait jamais eu d'invasion de la place de la République, puisque c'était quand même une décision de dire on tente le coup. Moi je vais dire ce que je souhaite un 1er mai unitaire, Nuit Debout syndicat. Je pense que là on a deux ingrédients qui se joignent pas, qui se regardent parfois un peu en chien de faïence et tout ça, je l'ai déjà dit lors du dernier meeting, et je pense que c'est quelque chose qui peut... Le meeting de départ de cette invasion, c'est leur faire peur, mais comment? Et je pense que si jamais on a une liaison un peu plus franche, ça ne veut pas dire une subordination ou quoi que ce soit, mais entre le mouvement syndical opposé à la loi El Khomri et ce qui se passe à Nuit Debout, on opère un saut quantitatif et qualitatif en termes de emmêlage de public complètement différent et tout ça. Et je suis partisan de ça. Quoi. Mélanger tout le monde en fait. Mélanger tout le monde. Mélanger, c'est pas tout le monde là. C'est pas le MEDEF en l'occurrence. C'est regarder quelles sont les alliances qui sont. Vous savez, sur l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande ou sur un tas d'autres luttes, aucune lutte ne se mène sans alliance. Et donc là, si le mouvement reste seulement cantonné à la place de la République et à un certain nombre d'autres places en France, sans se demander quelles sont les alliances à construire, je pense qu'il faut penser aux alliances à construire. Merci François. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Radio Debout, on va retourner peut-être à l'Assemblée Générale, voir ce qui se dit, ce qui se débat. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah, ah, ah, ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, la, la, la, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. La-di-la, la-di-la, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. La-di-da-da, yeah. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Il est plus petit que le jardin de ma tante. Et bah après cette charmante chanson, nous sommes toujours à Nuit Debout et nous allons voir un peu ce qui se passe à l'AG. On continue d'une manière ou d'une autre à faire signer des contrats coloniaux en Afrique. Donc merci. Pour les personnes qui souhaiteraient rencontrer la commission France-Afrique, comment peuvent-elles vous rencontrer? Donc on est là à partir de 17h30, on est déjà là. Là, on a mis tout ce qu'il y a en place parce que nous sommes en train de pouvoir dynamiser et redynamiser la commission, de mettre de communication sur le plan de réseau et les numéros téléphoniques des sites pour pouvoir mieux s'informer. Donc, on est là, de l'autre côté à droite, Commission France-Afrique, parce que ce sont des questions qui, comme vous le savez, nous l'avions expliqué, c'est une lutte à la fois interne et externe. La France-Afrique, aujourd'hui, c'est un pays dont les limites territoriales, je ne saurais vous dire, dans l'architecture institutionnelle, je ne saurais vous dire. Mais vous venez là et vous serez informés. Merci. Je fais un nouvel appel, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont tout au fond, de vous asseoir pour permettre à un maximum de gens de pouvoir écouter les prises de parole. J'accueille maintenant la commission immigration et suivront Guillaume C, Colin F, Pierre et François de Galerie Debout. Donc, commission immigration. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je me présente, comme d'habitude, Demdou Kara, CSP 75, coordination des sans-papiers. Aujourd'hui, je suis participé à la réunion des commissions action. Je l'avais expliqué un tout petit peu de notre idée, mais à ma préférence, venir ici devant tout le monde, les idées que j'ai, je vous explique. La commission immigration, et depuis au début de la mouvement, nous on réunit. Donc on voit quel est le soutien qui était avec nous depuis à la jardin des halls jusqu'à la caserne, jusqu'à l'occupation des lycées Zanker. Et apparemment, aujourd'hui, ce qu'on voulait, on a besoin de toute l'élite qui a mené aujourd'hui. Qui participaient dans cette AG et dans cette réunion, on prendrait les dossiers ensemble. Si vous voyez aujourd'hui, en dessous de la peau à Stalingrad, il y avait 340 enfants et les femmes qui dormirent là, à plupart des mineurs et des familles qui dorment là. Donc nous, professionnellement, nous seuls, on ne peut rien faire sans vous. Donc, raison pour laquelle je me suis retourné vers vous aujourd'hui en disant que jeudi, à partir de 19h, juste là, derrière de la tour, à côté de la canal, on réunit là-bas. Donc, toutes les personnes qui peuvent ramener leur idée, tout le monde est invité. Et aussi, juste pour vous dire, la cagnotte qu'on remet à mise en place pour se réviser, Aujourd'hui, il n'y aura pas aucun cagnotte de réfugiés. On ne sait jamais si vous avez trouvé un cagnotte à Koyen. Mais je l'ai remarqué, il y a certains gens qui mettent un cagnotte en disant qu'au nom des réfugiés, alors les personnes qui occupent de ça, il n'est pas en courant de tout, de cette cagnotte. Donc, camarades, la cagnotte, personne qui est occupée, il y a des associations et de la collectif. Il y a un collectif, là, s'appelle Debout, et les associations BAM, droit de la réfugiée, et qui occupent de ça. On ne sait jamais si vous préférez participer dans cette cagnotte, il faut essayer de lire d'ailleurs. S'il n'y a pas cette dénonce, je ne dis pas qu'elle ne donne pas, mais ce n'est pas nous. Voilà, je m'arrête là, lutte continue. Merci. Un petit rappel, pour tout ce qui est point lutte, et là c'était le cas, si vous avez des actions. Radio Debout, 21h20, toujours en direct de la place de la République à Paris. On revient autour de notre studio Debout et on accueille à présent Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir. Alors il faut parler dans le micro Emma. Ah oui, il faut parler dans le micro. C'est mieux. C'est difficile parce que là il y a une lumière, j'ai ma bouteille d'eau. On est en mode Radio Debout. Alors Emma, 35 ans, qui est dans le mouvement de la Nuit Debout depuis le début et même... depuis les premières réunions à la Bourse du Travail. Ouais. Tu as écrit des textes. Ce mouvement t'inspire. Tes textes datent d'avant le mouvement, mais beaucoup de tes textes résonnent avec ce mouvement. Tu es venue avec un des textes que tu as écrit. Je te laisse nous le présenter et on en parle après. Fred, le jardinier du battement d'ailes, se lève, superbe de gratitude après de longues semaines de sécheresse. Il pleure de joie lorsqu'il sent la fraîcheur de la pluie inonder son beau visage, un doux matin de juillet. Un autre serviteur de la paix. Les religions ne manquent pas d'épées, certaines nichées au cœur du tétragramme. Entre reléguéré et religaré, relire et relier, les anagrammes demeurent des énigmes. Ainsi, la religion oscille entre la fulgurance de la puissance herméneutique et la nécessité de concilier la fragmentation de l'humanité en ensemble fini distinct. Vaste programme politique s'il en est. Comment dépasser l'ulcération morale de nos liens humains, plaie béante, lieu de toutes les malédictions? Pour le talmudiste, le nom de Dieu demeure une question. Je suis encore cette jeune fille qui voulait apprendre la langue grecque pour s'approcher au plus près de l'évangile de Jean. On peut aimer les histoires lorsqu'elles sont belles sans pour autant croire au Père Noël. À la fin de l'été, le Burning Man, rituel de la communauté du salariat cool et du patronat en t-shirt et basket, a lieu dans ce grand désert blanc. Les festivaliers y érigent la ville de la pierre noire. Les adeptes arrivent en Harvey, au terme d'un road trip sans doute amphétaminé. Mâchoires serrées, sur leurs propres moyens, ils viennent se confronter, en forfanterie, à l'événement. Ils créent par leur rassemblement un surcroît de puissance qui va nécessairement être capté par quelqu'un. Pour faire l'expérience totale de la chose, ils se doivent de réaliser des œuvres créatrices d'eux-mêmes. Les productions destinées à l'incinération sont très belles, raffinées, féeriques, hypnotiques et pour certaines subventionnées. Pour toutes ces raisons, les œuvres seront brûlées dans un sacrifice vide de sens. Car d'après leur théologie en 10 points, la communauté ne doit pas laisser de traces. 2 mois séparent la fête de la Saint-Jean de la Saint-Barthélemy. Les fidèles, en proie aux visions induites par l'usage du LSD, affirment vivre l'immédiateté du lien entre l'individu et la nature, dans une reliance radicale à eux-mêmes. Cependant, l'étendue ne connaît pas de lieu. Sur les territoires auparavant occupés par les Indiens, les croyants captent l'énergie sédimentée des natifs massacrés, une force qui les dépasse. On ne réveille pas impunément de telles puissances. On ne les réveille pas sans une solide raison. Les déjections spirituelles de l'économie déréglementée à dominante financière ont permis la croissance de l'indigente culture religieuse du Burning Man. Et bienvenue au carnaval de l'invisible. Les rites religieux sont censés être des opérateurs de rencontres. Au Burning Man, on rencontre son propre ego. Puis, on se mire dans la bouffée délirante avant de vaciller dans le vide de la skise. Dans un trip halluciné, garance et jaune d'antimoine. Encore un rendez-vous d'atomes qui s'entrechoquent. Quelle alliance renoue s'écrire dans le désert. À 6 ans, Guillaume peint. Dans le verre posé à côté de la petite palette de gouache, il observe l'eau se colorer. Il prend ce verre, dont le contenu est devenu une golconde. tout en buvant la totalité pigmentée du gobelet, il forme ce vœu solennel : je serai un grand peintre. Merci beaucoup, Emma, pour ce texte. Oui, voilà. On vérifie juste que les micros sont ouverts. C'est bon, tous les micros sont ouverts. Merci beaucoup, Emma, pour ce texte. Ce texte, pourquoi il résonne avec toi ? Pourquoi il résonne pour toi avec Nuit debout ? Parce qu'il est très pessimiste et c'est un regard assez négatif sur ce rassemblement halluciné hein, que tu portes aux États-Unis. Là, je parle de Burning Man. Ouais. C'est en négatif, Nuit debout. Ouais. Oui, ce qui nous a amené tous ensemble sur cette place de la République, c'est clairement la colère. Mais je pense qu'il y a aussi un très très grand espoir. Donc là, ce que j'exprime à propos du rassemblement de Burning Man, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la colère, mais sans espoir. Enfin, ouais. C'est pas vrai, parce qu'à la fin, il y a l'histoire de Guillaume qui est quand même une histoire pleine d'espoir. Et ici, il y a de la colère, mais il y a aussi de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur. Et il n'y a pas de vide. Alors, à un moment, tu dis dans ton texte que Burning Man, c'est un... Alors, j'essaye de lire à la lampe de poche. C'est un ensemble fini, distant, alors vaste projet. Ça, c'est le projet religieux, hein, c'est ah ça. Oui, alors là... Ici, on est dans un ensemble, mais qui n'est pas fini, qui n'est pas non plus distinct. Non, alors ça, c'est un truc... comment dire ? La société, elle est toujours, clivée. Elle est toujours scindée. Elle est jamais complètement unie. Par exemple, nous, on appartient à une nation. Il y a des gens aussi qui appartiennent à la communauté des catholiques. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça se replace dans cette problématique globale de concilier la fragmentation de l'humanité en ensemble fini distinct. Voilà. Alors, pour revenir à Nuit debout, est-ce que tu peux nous dire si tu participes à une commission, puisque tu es dans le mouvement depuis le début ? Ah non, parce que j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, parce qu'il faut préciser que Emma, tu travailles, tu es médecin. Ouais. Tu as deux enfants, tu t'organises avec ton mari pour faire des tours de garde, pour venir passer des nuits et des soirées sur la place de la République. Nous faisons des rotations. Alors c'est une grande... Merci les grands-mères d'ailleurs pour garder nos enfants, parce que c'est compliqué. Donc nous faisons des rotations, absolument, et le week-end nous venons avec les enfants. Et alors, tu es entrée dans le mouvement au tout début, au moment des premières réunions de la Bourse du Travail. Qu'est-ce qui t'a attirée ? Tu disais la colère, l'espoir. Elle vient d'où, la tienne de colère ? Tu travailles dans le monde de la santé. A vu que ce soir, il y a Hôpital Debout qui est là sur la place de la République. Oui, c'est très intéressant. Bah, alors, les gens de l'hôpital, ils sont en lutte depuis longtemps, parce que les conditions de travail se dégradent. Moi, ça fait... Alors quel âge ? J'ai 35 ans, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le monde de la santé, dans le monde de l'enfance, dans le monde de la petite enfance, et que les conditions se dégradent. Je ne sens pas une amélioration nette poindre. Ça donc, c'est clair. Pas pour l'instant. Voilà, je pense qu'un élan comme celui de Nuit debout peut-être nous aider à transformer les choses. Et alors François Ruffin disait juste avant, qu'est-ce qu'on fait de Nuit debout ? Alors qu'est-ce qu'on fait de Nuit debout ? Comment on le transforme ? Est-ce qu'il faut faire converger les luttes ? Est-ce qu'il faut étendre le domaine de la lutte ? Oui, d'accord. Mais je ne sais pas. Mais comment ? On est à ce point d'interrogation du mouvement. Aucune idée. Le futur est incertain, je ne sais pas. On est le 50 mars déjà, ça passe vite. Le 50 mars, oui, ça c'est très très bien. Bientôt le 75 mars, global debout, une convergence géographique, physique. Oui, ce serait beau. Bah, moi, je n'ai pas apporté ma boucle de cristal, je ne sais pas. Je n'ai pas de recette. Tout est nouveau. Je terminerai juste avant de repartir vers l'Assemblée Générale par ce très beau panneau qu'a écrit un réfugié égyptien qui est ici en France et qui disait je suis un réfugié, je suis égyptien qui a perdu sa révolution, ne quittez pas votre place, l'abandonnez pas. Moi je suis absolument d'accord, même si les riverains se plaignent et tout, on faut reste ici sur les places. Ou d'autres places même, il faut continuer à occuper les places. Il est bientôt 21h30 sur la place de la République, toujours en direct de Radio Debout. Et on va écouter tout de suite une section qui s'appelle Commentaires, qui a été faite par Farida, qui a glané des commentaires sur le web, mais elle va nous en dire un petit peu plus. Bien, c'est simplement des commentaires glanés sur les sites de Nuit Debout et sur le site de Radio Debout. Phil. Bonsoir. Y a-t-il un endroit sur le net où on peut avoir une vision précise de ce mouvement? Parce que là, c'est franchement un peu foutoir. Est-il structuré, apolitique? Quelle est sa vision? Quelles sont ses actions concrètes, actuelles ou futures? Etc. Centraliser une information officielle quelque part, avec des chiffres de suivi, les sujets débattus, etc. Bref, donnez votre version. Qui sont les casseurs de Paris? On a un outil fantastique, le web, mais là, c'est le web bordel. Commentaires, vos commentaires, c'est sur Radio Debout. Nuit Debout, Lille. Appel. Nous recherchons la personne qui a fait le compte-rendu de la commission Action dimanche soir. Merci à elle de se manifester. Didier Lacaille. Merci à tous ceux qui défrichent un chemin vers le possible. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'être présents avec vous ou de participer aux manifestations, alors existez encore plus fort pour eux. Désiré. Attention à ceux qui essayeront de vous faire passer pour des casseurs. Attention aux infiltrations de ceux qui tenteront de vous diviser. Chassez sans ménagement qui voudra vous encadrer pour mieux vous contrôler. Bon courage les jeunes. Frédéric. J'ai l'impression que le mouvement devient bien plus affirmatif que revendicatif. Quelque chose se crée bien au-delà d'une simple posture et la diversité des profils entrevus à République fait chaud au cœur. Antoine. Moi je pense que nos mentalités sont plus promptes à la corruption. Marius. Jamais j'aurais imaginé qu'autant de gens pensent comme moi, donc ce mouvement me donne espoir. Nuit debout, Strasbourg. Attention, vous entrez dans une zone de partage et d'échange humain. Radio Debout en direct de la place de la République pour les Nuits Debout. Et chose incroyable, dans un instant on part aux États-Unis, mais juste avant on retourne à quelques mètres d'ici dans l'Assemblée Générale, l'Assemblée Populaire de la place de la République. Il y a eu un soutien qui est passé avant moi. Il se prétend dans un collectif par rapport à l'immigration. Si vous voulez savoir un peu plus par rapport aux associations collectives qui encadrent les réfugiés, allez faire un tour sur la page Réfugiés, la Chapelle en lutte, et vous saurez un peu plus de ces racailles assos collectifs qui se font des couilles au nord sur les personnes vulnérables et qui subissent l'injustice des rues. La France, c'est un déni. La France, je ne la reconnais plus. La France ne fait plus dans la douceur. Si vous voulez savoir ce que j'ai écrit comme article, c'est un ami journaliste, un ancien de Télévocal, et qui a écrit l'écrit. Et ce sont mes paroles. Je dénonce. J'ai cru voir une opposition radicale. Non. Ok. Donc pas d'opposition radicale, merci. Du coup, on passe au crieur. Et après le crieur, je demanderai à venir sur scène Laura R, Benoît R et Anna. Alors là, la toute première prise de parole, donc c'est pour Manuel qui a une lettre à nous faire parvenir. Alors, je vais transmettre le texte de Manuel, qui est sourd et muet et qui aimerait qu'on... Ok. Je vais transmettre le texte de Manuel, qui est sourd et muet et qui aimerait qu'on lise le discours « Le dictateur » de Charlie Chaplin. Espoir. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain. Pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous avait sombré dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio, nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et les pouvoirs qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes, machines avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, dans un seul humain ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains, mais en vous, le peuple qui avait le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut nous unir, il faut tous nous battre pour rendre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Oh. Radio Debout. Bonsoir, vous êtes sur Radio Debout, on est toujours en place de la République et on va parler d'un combat qui se passe non pas sur les places mais sur Internet, sur la toile et tous ces gens qui sont là et qui défendent des libertés fondamentales qui sont en train d'être enlevées une après les autres. Les lanceurs d'alerte. On va être en duplex avec The Courage Foundation, la fondation Courage, et Nathan qui est à New York et qui est à l'autre bout du fil. Good evening, Nathan. Nathan, good evening. Good evening. Appreciate you having me on. I'm a fan of you guys and really appreciate the opportunity to talk about courage. Donc c'est une première pour Radio Debout, on va faire la traduction simultanée. Là ça ne va pas être le cas tout de suite, mais il nous remercie d'être avec lui ce soir. Je voulais juste revenir, avant de commencer l'interview avec Nathan, répondre à quelques rumeurs qui courent sur le net justement. On entend que Radio Debout est financé par l'Union Européenne. Alors ça c'est faux. Voilà. On entend que les gens à la Nuit Debout et à Radio Debout sont des gens qui ne travaillent pas et qui peuvent donc être là toute la nuit. Ça, c'est faux aussi. Voilà, c'est très faux. Nous sommes très fatigués car nous avons un boulot la journée et le soir, on vient ici. Radio Debout, donc, c'est quoi ? Est-ce que c'est la voix du mouvement ? Non, c'est pas la voix du mouvement. Radio Debout, c'est des paires d'oreilles. On est 40 à peu près maintenant. À aller écouter ce qui se passe, à récupérer des paroles. Ça fait un paquet d'hypothalamus, de cortex, de conduits auditifs qui sont là, qui circulent, pas seulement à Paris d'ailleurs. On a des gens qui contribuent à Radio Debout depuis partout en France et même à l'étranger et même jusqu'à La Réunion. Radio Debout, je crois que j'ai l'impression qu'on est tous des gens qui veulent donner une autre voix à celle qu'on entend, qui est une voix ultra majoritaire. On essaye simplement de relayer peut-être une autre façon de dire les choses et toutes les paroles qui sont dites ici et ailleurs en France dans toutes les nuits debout. Alors on va parler avec Nathan donc de la fondation Courage. Je vais passer en anglais et Karim qui est avec moi va traduire en français les questions et puis moi je traduirai les réponses. So hello Nathan. Hi. You work for the Courage Foundation and your motto is the world needs truth tellers. They need courage. What's a truth teller and why are they so important that they have a foundation to help them? We're just going to translate that and then you can answer. Bonjour Nathan, vous travaillez à la Courage Foundation. Votre devise est « Le monde a besoin de 10 heures de vérité ». Ils ont besoin de courage. C'est quoi un 10 heures de vérité, lanceur d'alerte ? Et pourquoi sont-ils si importants qu'ils ont besoin, qu'ils ont une fondation pour les aider ? You can answer. Okay, so truth tellers, the name that we came up with for the people that we support, include more people than just whistleblowers. Can you just start again? I'm sorry. Can you speak closer to the phone? Sure, okay. Can you hear this? Yeah, that's better. Okay. So, Truth Teller is the name that we came up with to describe who encouraged support to include more people than just whistleblowers. In 2013, Edward Snowden needed the extensive help of WikiLeaks and our director, Sarah Harrison, fleeing from Hong Kong to Moscow. And okay. We realized I'll just stop you there because it's going to be complicated to do simultaneous. Donc je vais traduire parce que c'est techniquement compliqué de faire la traduction simultanée. Nous avons créé la fondation et nous avons inventé le concept de 10 heures de vérité car c'est un peu plus qu'un lanceur d'alerte. Could you just say again what a truth teller is for you and a bit louder, please? Sure. So we started to support whistleblowers like Edward Snowden, knowing that more whistleblowers would come forward. But we wanted to include people from the outside too, not just employees who were speaking out from within a corporation or government, but people like Jeremy Hammond or Lowry Love, who hack in to expose private information that is evidence of wrongdoing. So we want to support those people as well. I'll take up from there. Nous voulions, évidemment, nous avons soutenu Edward Snowden, car nous finançons sa défense. Et nous avons aussi voulu soutenir aussi des gens, pas seulement des gens de l'intérieur, mais des gens de l'extérieur, comme des journalistes, comme Jeremy Hammond, par exemple, ou des hackers également. You can continue. Okay, and so we didn't want to exclude these people, and we're trying to connect hacking communities with who support whistleblowers. So we want to get the type of support that Edward Snowden has to people like Jeremy Hammond. We also follow cases that we don't directly support, like Antoine Deltour, the so-called LuxLeaks whistleblower. Oui, alors nous voulions mettre en lien et connecter en fait les lanceurs d'alerte tels que Edward Snowden, dont beaucoup de gens avaient entendu parler, avec d'autres types de lanceurs d'alerte et de diseurs de vérité, beaucoup moins connus, tels que Jeremy Hammond ou Antoine Deltour. Pour information, Antoine Deltour est un membre, un consultant de PricewaterhouseCoopers au Luxembourg, qui a révélé toute l'évasion fiscale d'une énorme quantité d'entreprises du monde par le Luxembourg. Ok. You can go on. So we realized the word whistleblower was inadequate. We want to do more for these types of people. So we support anyone exposing information, but also taking a great risk. So a lot of our beneficiaries, as we call them, are also prisoners or facing trial. These truth tellers are really under attack. Nous soutenons des lanceurs d'alerte et des diseurs de vérité qui ont énormément de soucis, notamment des soucis de défense juridique et forcément donc des soucis financiers. I have another question for you, Nathan. Who has an interest in shutting down and what means do they have? Qui n'a pas intérêt? Oh, sorry, I just have to translate. Qui n'a pas intérêt à ce qu'ils divulguent des informations aujourd'hui et quels moyens utilisent les ennemis des lanceurs d'alerte? So both governments and big corporations want to see truth tellers prosecuted and are working together sometimes in this crackdown on whistleblowers. Ce sont en fait les gouvernements et des grandes entreprises multinationales qui tentent de faire taire aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Can you talk about the European directive on the secret of business that was voted in last week by the European Parliament and what that means? Sure. We have to translate. Sorry. Sorry. Pouvez-vous nous parler? Voilà, c'est la traduction. Pouvez-vous nous parler de la directive européenne sur le secret des affaires qui a été votée par le Parlement la semaine passée et ce que cela implique? Go ahead. While I'm on the other side of the Atlantic, so I follow US-based efforts more, I have read about the Parliament's vote and it seems that they're really trying to prevent anyone exposing information. They broadly define trade secrets to prevent people from blowing the whistle by calling too many things a trade secret. Oui, alors tandis que je suis assis de l'autre côté de l'Atlantique, il est clair que un grand nombre d'entreprises tentent d'étouffer en fait les lanceurs d'alerte. Et c'est ainsi que cette directive a été votée. Cela signifie qu'ils vont donc pouvoir être poursuivis très facilement. Julian Assange, d'ailleurs, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas Nathan, a expliqué que il suffirait de divulguer n'importe quelle information interne d'une entreprise pour être considéré comme traduisant des secrets des affaires. Nathan, we have to do a little break and go back to the General Assembly. I'll pick you up in a minute. Great, sounds good. Sur le côté gauche. Donc je m'appelle Nora, ils peuvent me retrouver facilement avec mon chapeau, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et bon, bah, je vous laisse et puis je vous remercie d'être tous là. Voilà, merci. J'appelle Myriam G, se prépare Bruno H, Mathieu M et Martin B. Et sinon, s'ils sont toujours là, enfin s'ils sont là, Benoît R et Anna. Sinon, Myriam G. Myriam G, Bruno H, Mathieu M, Martin B, Mathieu M. J'aimerais vous dire un poème que j'ai écrit, un poème révolutionnaire. Métro, dans le métro, les gens te regardent avec suspicion lorsque tu fais mine d'écrire un poème. Dans le métro le soir, les gens discutent. Certes, il y a de l'animation. Certains ont le regard perdu dans le vide. Ils forcent leur bouche à n'avoir ni l'expression du malheur, ni celle de la joie. Il en est beaucoup qui ont des écouteurs dans les oreilles. Ils ont considéré dès longtemps que le dernier tube de Benjamin Biolay était plus enrichissant que la discussion avec le voisin d'en face. Dans le métro, le bruit des wagons fonçant sur les rails fait une basse continue telle qu'on a l'impression que la vie n'a pas de commencement ni de fin. Le crissement assourdissant occasionnel ne suscite même plus un geste pour se boucher les oreilles. Dans le métro, les portes claquent comme se referme l'aliénation sur la vie des salariés. Les quais sont surveillés par les caméras, comme pour dissuader les usagers de dessiner des bandes dessinées marxistes sur les affiches publicitaires. Dans le métro, les gens sont silencieux aux heures de grande affluence. Et pourtant, je le sais, si les gens se parlaient, il se passerait des choses comme on n'en a pas vu depuis 1789. Je vais vous dire un autre poème encore. Un cœur bat dans chaque poitrine. Ce cœur est fait du sang des artères et du sang des veines. Il a besoin de nourriture. C'est un animal insatiable. Dans ce cœur, certes, on peut trouver le désenchantement, la résignation, l'oubli de tous les rêves qui bercent l'enfance. On peut trouver aussi la rébellion, le sentiment, le sens du tragique. On peut trouver tout ça au-delà du sang, de l'oxygène et de la nourriture, qui sont les matières qui rendent possible rébellion, sentiment et tragique. Ici, Radio Debout. Vous êtes sur Radio Debout. On était avec Nathan de la Courage Foundation à New York. C'était un petit peu compliqué techniquement pour nous, on n'est pas encore une grande, grande radio. Et on a Yousri maintenant à côté de nous. Bonjour. Bonjour Yousri. Yousri, tu as 21 ans. C'est ça. Et tu es un des responsables. Vous êtes responsable à la commission numérique. Comment alors, ça se passe à la commission numérique, ce qu'on aime, c'est l'horizontalité. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un chat où tous ceux qui veulent être référents ou qui peuvent être surtout référents, plutôt représentants, on va dire, parce qu'on préfère ce mot plutôt que référent. Donc lance sur le chat, on a besoin de quelqu'un à ce moment-là et tout simplement dit qui peut y aller. Par exemple, je suis proposé aujourd'hui. Tout simplement. Et donc je t'ai invité ce soir pour que tu puisses nous dire un peu de quoi vous avez parlé à la commission numérique ces derniers 10 jours, parce qu'on est le 50 mars aujourd'hui. Oui, alors en fait à la commission numérique on a deux grands discussions en ce moment. Donc c'est d'abord former les gens en fait au wiki. Alors le wiki, je vous explique rapidement, c'est comme un Wikipédia. C'est le wiki Nuit Debout. Ça permet en fait à n'importe quelle commission d'aller rentrer ses comptes rendus et du coup ça permet de décentraliser en fait la Nuit Debout sur la France entière, même le monde entier, parce qu'il y a déjà des Nuits Debout hors de la France. Ça permet aussi aux gens qui ne sont pas toujours sur la place d'être actifs en fait, sur le wiki et du coup de savoir ce qui se passe sur la place. Ça permet un peu de sécurité, c'est-à-dire qu'on sait qui fait quoi. On peut dire monsieur s'occupe de ça, donc il peut pas y avoir, il n'y a pas de possibilité de tricher. Donc c'est déjà pas mal. Et concrètement sur le wiki, comment ça se passe l'interface? Je suis sur internet, comment ça se passe là? Ce qui se passe, c'est qu'en fait on forme des gens au wiki. Donc tout simplement, sans rentrer dans le détail et dans le côté technique, parce que justement c'est notre boulot, on va péguer mon boulot aussi. En fait, tout simplement, on rentre sur le wiki et on se fait un compte, on crée une commission et sur cette commission, on peut rentrer les comptes rendus qu'on a eu tout simplement au jour le jour. Donc les documents qu'on va chercher là-bas, pour l'instant, ce sont les comptes rendus de tous vos travaux. C'est ça. Les travaux de toutes les commissions. De toutes les commissions de la place de la République. Voilà. Vous travaillez aussi, quand on parlait il y a un quart d'heure, de vote électronique alors. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on essaie de lancer des plateformes de vote, des discussions, de tout ce qui peut concerner la démocratie de manière numérique, pour faciliter en fait le lien. Parce que la démocratie directe, c'est difficile à mettre en place. Physiquement, donc on essaie de le mettre en place numériquement. Alors le problème, c'est que ça peut poser aussi des problèmes de... ça pose des problèmes par exemple de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'identité et du vote par exemple qu'on va faire, c'est-à-dire que si on veut vérifier par exemple que quelqu'un n'a pas voté deux fois, tout simplement on est obligé d'avoir une petite information pour savoir qu'il n'a pas voté deux fois et on peut pas lier ça par exemple à son vote, parce que là ça commence à faire des problèmes de sécurité. Donc on en discute, parce qu'on est une commission structurelle d'abord, donc le but dans l'urgence, c'est de lier les commissions, lier les villes. C'est ça notre travail en première vue, mais on est aussi une commission thématique, donc on discute du vote numérique, on a discuté du logiciel libre. Et pour revenir rapidement juste sur le vote numérique, les plateformes, en fait on essaie plutôt de réutiliser les plateformes qui existent et de les adapter en fait à Nuit Debout. Donc celle qui paraît la plus intéressante et la plus utilisée, je dirais, aujourd'hui, c'est plutôt Lumio. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Moi, je connais pas. On fait des propositions et on peut les voter directement sur la plateforme. C'est un peu difficile de l'expliquer en 5 minutes, mais oui, c'est un peu ça. En gros, on discute et les propositions les plus intéressantes peuvent être votées en fait. Donc, vous êtes en train de préparer toute la fondation numérique de ce qui se passe ici en physique en fait. C'est ça, oui. On essaie de. En tout cas, on va en faire la proposition. C'est-à-dire qu'on peut, on n'oblige pas en fait, on veut proposer un outil qui peut être une alternative au côté physique et du coup plus facile aux gens qui ne sont pas actifs physiquement sur la place, mais qui peuvent être aussi autant prenons la cantine par exemple, tout simplement la cantine qui est ici qui fait un travail magnifique mais qui ne peut pas être présente en AG, et du coup leurs voix sont moins entendues. Avec une plateforme numérique, elles pourraient être par exemple plus actives sur les décisions prises dans la place. Et toi Yousri, donc tu as 21 ans, tu es étudiant à Paris. Oui, c'est ça. C'est la première fois que tu es dans une mobilisation comme ça? Est-ce que tu es militant? Alors j'ai déjà fait 2-3 manifestations avant. Mais on peut pas vraiment dire que je suis militant, c'est-à-dire que j'ai jamais organisé des manifestations, ce genre de choses. Donc, personnellement, mon parcours politique, j'ai toujours une petite sensibilité, une sympathie pour la gauche, ça je m'en cache pas, et parce que, enfin, je sais que, enfin, les mouvements qui m'intéressent viennent plutôt de ce côté-là. Après, je pense pas qu'il faut non plus penser en une seule dimension, c'est-à-dire droite-gauche. Je pense que les positions peuvent être plus générales et plus compliquées. Donc, je suis un peu jeune, on va dire. Du coup, j'apprends en fait sur la place à organiser des choses. Par exemple, parce que je suis pas actif que dans la commission numérique. J'étais avec Educpop, par exemple. Alors, on a créé Éducation populaire. Éducation populaire. On a créé on a fait un tuto pour montrer comment créer des tentes pour que les gens puissent lancer leur propre structure, qui peut être intéressant. Donc là, fabriquer une tente physique. Ça, oui, parce que. Oui, parce que j'aime le numérique, mais je suis aussi présent physiquement. Alors, ok. Eh bien, écoute, Karim, pardon, ouais, j'avais une je t'en prie. Qu'est-ce que tu as, toi, qui passes du temps derrière un clavier, qu'est-ce que tu as appris en venant ici jusqu'à présent? Alors, moi, je suis vraiment au début de mon apprentissage numérique, on va dire, parce que je suis étudiant en première année, etc. Donc, les codes et ça, tout ce que je connais, mais j'avais pas été déjà assez sensibilisé à la sécurité des données. Alors, la Quadrature numérique fait un travail formidable dessus, donc j'apprends les principaux outils. Par exemple, Tor, tout simplement pour cacher sa présence sur Internet, disons ça comme ça. Avant, j'avais un portable, mes données n'étaient pas cryptées. Aujourd'hui, je crypte mes données avec Telegram, Signal, des choses comme ça. Et je sais que c'est pas encore assez sensibilisé sur la place. Par exemple, je suis sûr que je passerai à l'AG, je demanderai qui utilise Signal et qui utilise Telegram. Je pense pas que 10% de l'Assemblée pourrait peut-être lever la main. Donc voilà. Mais la commission Sérénité utilise Telegram. Oui, je parle de l'AG. On va dire le public qui vient écouter. Oui, les organisations utilisent en effet Telegram et Signal. Merci beaucoup Yousri d'être venu. On reparlera parce qu'on a plein de questions pour toi, mais d'accord. On fera ça si tu veux bien. Ou quelqu'un d'autre de la commission numérique, puisque vous êtes horizontaux. Oui. Merci beaucoup Yousri. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Clément. Merci beaucoup. Il est 21h54 et vous écoutez toujours Radio Debout. Avant de partir prendre des nouvelles du côté de Lyon, on va écouter des capsules de Farida commentaires. Joël. Merde, Nuit Debout n'a pas le soutien de Copé. Putain, c'est la fin là. Quelle déception. En même temps, c'est instructif, je le pensais en zonzon celui-là. Valérie. Peut-être trouver façon que les chômeurs soient en nombre aussi. Ça ferait tout de suite beaucoup plus de monde. Marius. Mais Roberto, comment dire? Si c'est une minorité qui veut du changement, la police de la majorité va les faire taire forcément. Mais si c'est une majorité qui veut du changement et qui le veut vraiment, il va y avoir un moment où tout va basculer. Patrick. Le gouvernement réagit comme si nous n'existions pas, comme si nos doléances ne les concernaient pas. C'est consternant. Vos commentaires sur Radio Debout. Lucius, une question que je me suis posée cet après-midi. Est-ce que des sans-abri sont présents avec vous? Êtes-vous solidaire de ces oubliés? J'espère que ce rassemblement est l'occasion de pousser en avant des valeurs d'amour et de partage. Avec vous, par la pensée, je suis debout et je ne me coucherai pas. Radio Debout. Et c'était des commentaires glanés sur le site de La Nuit Debout et sur le site de Radio Debout. On va tout de suite partir avec Annabelle du côté de Lyon. Oui, alors du coup, on retrouve Arnaud, Place Guichard. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe à Lyon? À Lyon, ça a repris en fait, le mouvement a repris parce qu'il a été interrompu pendant le week-end, notamment à cause de la pluie, du froid et le fait qu'il y avait la présence d'un marché. Ce soir, ça a repris de plus belle avec plein de milliers de personnes qui sont sur la place. Il y a une AG qui vient de se finir et là, les gens sont répartis par commission, par groupe de travail pour partir en discussion. Et du coup, en AG, qu'est-ce qui s'est dit un peu ce soir? L'AG, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Là, surtout, c'était une présentation, un retour sur les derniers événements, sur la répression et puis une présentation des différentes commissions qui allaient avoir lieu en fait. Est-ce que tu peux revenir sur cette tentative d'approche de égalité et réconciliation qui s'est passée la semaine dernière? Ce qui s'est passé, c'est vendredi soir, en fait, il y a un certain nombre de personnes d'égalité et réconciliation qui sont venues, en fait, et qui, Alors, en discutant avec des militants, ils ont été vite identifiés. Donc, des militants qui étaient opposés à ce groupuscule leur ont demandé de partir. Et après, c'est engagé pendant plus d'une heure et demie, en fait, un débat sur la question de est-ce que ce genre de groupes ont le droit à la parole et est-ce que Nuit Debout doit tolérer, en fait, ce genre de groupuscule. Et puis, sur un média qui s'appelle Rébellion, il y a eu un article qui est paru, qui a relancé le débat. Et depuis, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, il y a une très très grande discussion sur, en fait, qu'est-ce qu'est une Nuit Debout, quelles sont ses limites, est-ce que des groupes qui se revendiquent clairement, en fait, antisémites, racistes, ont le droit de participer au nom de la liberté d'expression et de la démocratie. Et autrement, dans l'AG, tu me parlais d'une action qui allait être menée. Bah, ça, c'est demain, c'est un appel national de coordination étudiante, en fait, dans toute la France, un certain nombre d'événements, en fait, qui sont liés contre la répression policière. Donc, normalement, demain, il y a une action qui va avoir lieu avec du tratage de l'information. Et si tu disais par rapport à égalité et réconciliation, enfin, à l'heure actuelle, le débat majeur, c'est que la plupart des gens sont... Vu qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent que Nuit Debout soit apolitique, ou en tout cas soit sans idéologie, en fait, le consensus est plutôt pour le laisser parler, mais même si la question n'a pas encore été abordée en AG. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions à Lyon, et on te retrouvera bien vite. Et je passe la parole à Clément. Merci beaucoup Arnaud, merci Annabelle. On va repartir du côté de l'AG pour se retrouver ensuite en plateau. Alors, vous êtes toujours sur Radio Debout. Qui veut prendre part au vote? Ok, donc c'est pour augmenter le temps de parole. Ben, l'idée, ce serait peut-être, je sais pas, accepter ou tolérer jusqu'à 3 minutes, et pas forcément juste pour ce soir, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est quand même tard et tout, peut-être demain, ça peut encore, voilà, et les autres jours. Après, pour les autres jours, je vous invite à venir en commission démocratie pour en déterminer, parce qu'on a réussi à faire un schéma qui tient un peu, voilà. Qui souhaite, pour ce soir, augmenter le temps de parole? Ah, on a une opposition radicale. La force de ce qui se passe ce soir, c'est que ça va vite. On tolère les 3 minutes déjà sans avoir à voter. Il y a plein de gens qui parlent 3, 4, 5 minutes parfois. Est-ce qu'il faut vraiment voter pour ça? Non, restons sur les 2 minutes, que ça trace, que ça évite, qu'il y ait des idées qui circulent et surtout qu'on se fasse pas chier. Voilà. Et c'est bien quand c'est rapide, quoi. Bon, ça, je crois que c'est clair. D'autres propositions radicales? Moi, sincèrement, je pense que 2 minutes, c'est pas assez parce que pour certaines personnes, ils peuvent pas développer ce qu'ils ont besoin de dire et du coup, ça les empêche en ne développant pas ce qu'ils ont à dire. On peut comprendre l'inverse de ce qu'ils veulent réellement dire. Donc, je pense sincèrement qu'il faut augmenter le temps de parole. Je pense pas peut-être pour ce soir parce que je pense que ce serait injuste par rapport aux autres qui ont eu que 2 minutes. Mais mais le mettre en place dès demain, tous les soirs, voilà. Bon, je répète, pour les autres soirs, ce qui est compliqué, c'est que là, on ne peut pas décider, nous, pour les AG des prochains jours. Je vous invite à venir en commission. Donc, est-ce que vous souhaitez, là, en débattre pour ensuite voter dessus? Qui souhaite prendre part au vote sur le fait d'en débattre, là, sur les 5 prochains tours de parole? Levez la main, ceux qui souhaitent prendre part au vote. Ok. Bon, pas grand monde. Sur ces peu de personnes, qui veut qu'on en débatte? Ok, qui veut qu'on enchaîne? Ok, donc c'est bon, on enchaîne, on continue à 2 minutes, c'est ça? Radio Debout. Il est 22h sur Radio Debout. C'est Martine Hulotte. Elle était plutôt autruche ou colibri? Je t'explique. T'imagines, il y a un incendie dans la forêt. T'imagines, cet incendie, ça pourrait être le réchauffement climatique, par exemple. L'autruche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plonge la tête dans le sable. Ouais. Il y a les pompiers qui arrivent, il y a les canadaires qui arrivent, on essaie d'éteindre le feu. Là, ça... Un petit colibri qui volette. Tu vois ce que c'est un colibri? Tu vois comment c'est petit un colibri, hein? Dans sa petite trompe, une goutte d'eau. Il lâche sa petite goutte d'eau. Pendant ce temps-là, l'autruche a toujours la tête dans le sable, sauf que ça commence à chauffer. Bon, le colibri, quand il a lâché sa goutte d'eau, il revient. Non, t'as compris ou faut que je continue encore longtemps? Qu'est-ce que tu fais, colibri? Le colibri, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je fais ma part. Si t'as compris mon histoire, partage. Et sinon, partage aussi. Vous êtes bien sur Radio Debout ce soir. On avait envie de partager l'autruche et le colibri, Martine Hulotte, alias Cécile Nau. C'était un des personnages. Et je suis avec Frédéric Nau, son frère. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir, merci. Oui, c'était un des personnages de Cécile, ma petite sœur. Et elle faisait plein d'autres choses. Elle est décédée il y a 15 jours, le 31 mars. Et voilà, le temps de faire une partie du deuil, j'ai entendu parler des Nuits Debout. Voilà, moi j'étais un peu dans le trou pendant ces 15 jours et puis quand j'ai entendu parler de ce que vous faisiez ici, je me suis dit qu'il faut que je rapporte un disque de Cécile parce que si elle avait été encore là, elle serait avec vous. Voilà. Donc l'idée c'est bien qu'elle soit ce soir avec nous, effectivement. On écoutera tout à l'heure un des morceaux qu'elle a fait avec quelqu'un. Sur le site martinhulotte.com, on peut voir beaucoup plus de vidéos. Oui. Moi j'en ai regardé pas mal tout à l'heure, c'est vrai qu'elle avait l'air assez engagée, décalée, tu peux nous parler un petit peu plus d'elle? Oui, son personnage de Martine Hulotte, c'était un personnage qui faisait les minutes de Martine Hulotte, comme on a entendu un extrait là. Elle en faisait, je crois, tous les jeudis. Et puis son personnage aussi allait interviewer les gens dans les quartiers, dans les rues... voilà, avec sa copine Betty qui était à la caméra et donc elles allaient puis elle avait envie Cécile de donner la parole aux gens qui l'ont pas ou peu et de dénoncer les choses par son décalage avec son humour. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, voilà. Donc bah ouais, je vous encourage à aller regarder ces vidéos sur son site. Okay. On va peut-être écouter C'était mieux avant pour avoir une idée un peu plus précise. Ouais. Okay. Faut que je vous parle de mon voisin. Faut que je vous parle de mon voisin. Mon voisin. Mon voisin est un homme savant. Il connaît l'histoire sur le bout de ses dents. Il parle de la France comme d'une femme, jadis si belle et pleine de charme, conquérante et indomptable. Il la raconte comme une fable, de Vercingétorix à Henri IV, de Napoléon à Charles de Gaulle. Ses amants furent tous des héros, glorieux et fiers pendant l'assaut. Mon voisin n'est pourtant pas un sot, il sait le sang sur son drapeau. Mais ne lui parlez pas de quelques défauts, le passé sera toujours plus beau. La France au présent est une trahison, les larmes aux yeux sur son paillasson. Mon voisin cocu pleure sur un passé qu'il n'a pas connu mais qu'il a tant rêvé. Que le quotidien au milieu des siens l'insupporte au plus haut point. Il me regarde avec l'air général et prononce sa phrase matinale. Tu sais, la France c'était mieux avant. T'inquiète voisin, c'est pire demain. La France c'était mieux avant. T'inquiète pas, c'est pire demain. La France, oh, faut que je te parle de ma voisine. Ouais, ta voisine. Ma voisine s'est arrêtée de vivre le 10 juillet 61. C'est le jour de son mariage, c'est le jour de son sabordage. Sa référence reste ses 20 ans, sa robe blanche et son prince charmant. En ce temps-là, tout avait plus de goût, le monde était meilleur, y avait pas tous ces fous. Depuis, l'eau coule sous le pont. Depuis, se flétrit sa passion. Son mari a changé, ses enfants ont grandi. Elle ne reconnaît plus quartier chéri. Mais ma voisine est une femme fidèle, à ses souvenirs, à son passé modèle. Encadrer les photos, wah, wah, wah. Oublier les galères, travestir son passé, vivre dans la poussière. Chaque année est une trahison qui l'éloigne un peu plus de la raison. Le présent fait mentir son glorieux passé. L'avenir est effrayant, vaut mieux pas y penser. Ma voisine me fixe de ses yeux de coquère et me lance sa phrase pleine de mystère. Tu sais ma petite, la vie c'était mieux hier. La France, c'était mieux avant. Mais t'inquiète pas, c'est pire demain. La France, attends, faut qu'on vous parle de notre télévision. La télé, ouais. Notre télévision est pleine d'économistes. Pourtant dernier cri, nul ne lui résiste. Y'a pas mieux dans le monde capitaliste. Lunettes 3D même pour les puristes. On a bien tenté de la faire réparer, mais rien n'y fait, ils y sont attachés. Les économistes qui aiment prophétiser se multiplient comme des rats sous le plancher. On a bien tenté de changer de chaîne, mais comme des cafards ils reviennent. Le message est toujours le même, comme une chanson qui veut faire de la peine. Chers amis, chers Français, l'économie se portait mieux avant. Vous l'avez compris, la crise c'est maintenant. Et demain, et demain, et demain, et demain. Les économistes ont remplacé les curés, les chamans, les imams, les députés. La République n'est plus qu'une idée qu'il faut soumettre aux lois du marché. Si vous refusez la soumission, ils prédiront des restrictions de vos emplois, la suppression des taxes, l'augmentation. L'apocalypse se lit sur leurs lèvres, le plaisir de l'annonce dans leurs yeux. Cette télé nous prend pour des chèvres. Nous l'avons sagement jeté au feu. Jeté, jeté au feu. Jeté, jeté au feu. Jeté au feu. Jeté, moi j'en ai fait des confettis. Ouais. Jeté. La France, c'était pas mieux avant. C'est maintenant que la vie coule sous nos peaux. Cette sensation dépasse vos euros. Et demain, demain, petit économiste, demain, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Demain, ce sera super. Ce sera super. Demain, petit économiste, ce sera super. Wonderful. Ce sera wonderful. Demain ce sera merveilleux, j'ai l'impression que c'est un peu le mouvement qui a envie de dire ça, la nuit debout. C'était donc Waïd et Cécile No sur un album qui s'appelle Je l'ai sous les yeux, obsolescence programmée. Frédéric, oui. Frère de Cécile, oui. Qu'est-ce que tu veux dire sur cette chanson? Moi je suis très fier de ma frangine, voilà. Qu'elle m'a vraiment épaté, voilà, je l'ai connue, elle était plus jeune que moi, donc toute gamine, très timide. Et quand je vois ce qu'elle fait aujourd'hui, enfin tout ce qu'elle a fait, voilà, elle m'épate. C'était une petite guerrière qui se donnait des objectifs, qui montait marche après marche et qui luttait pour devenir la femme qu'elle avait envie de devenir, voilà. Et elle avait envie d'entraîner avec elle des tas de gens, et je peux vous dire que à Toulouse et autour, elle l'a fait. Elle a entraîné des tas de gens, qui l'ont beaucoup remercié, sur ce temps de deuil. Ouais. Elle est avec nous ce soir. Ouais, c'est super. Elle merci est dans beaucoup. Le mouvement. Tu m'as dit qu'elle aurait été si elle était encore là, elle aurait accompagné, elle se serait baladée avec son personnage, elle aurait été voir les gens, c'est ça? Ah oui, elle les aurait interviewés, elles auraient fait leur petit film là, et je pense que vous auriez beaucoup ri de vous voir sur ces vidéos. Ouais. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? On a encore un petit son à faire écouter. Tu veux ajouter quelque chose? Belle continuation au mouvement. J'en suis très touché. C'est Martine Hulot. Alors, s'il y a des gens qui connaissent Monsieur Hollande et Monsieur Vass, voilà, ce serait gentil de leur adresser mon petit mot. Je vous adore. Moi, j'adore comment vous parlez de la France. La France, pays des droits de l'homme, pays de l'égalité, de la fraternité, Moi, ça m'émeut. Ça m'émeut. La liberté. Non. Vous êtes fort parce que c'est surtout après. Et qu'est-ce que vous faites après? Oh, l'état d'urgence. Voilà. Revoir la Constitution. Ça fallait le faire quand même. Ça fallait le faire. Vous bombardez Raqqa. Raqqa. Racaille. Raqqa, de toute façon, c'est des Syriens. Même si, dans Raqqa, il doit y avoir plein de Syriens qui sont pour rien. Mais bon, c'est des Syriens, donc on s'en fiche. Oubliez quand même qu'on est quand même la troisième puissance d'armes dans le monde. Hein? Oubliez qu'on a dû les vendre quelque part, ces armes. On est fort, nous, la France. Tout ce que je veux vous dire, moi, c'est... Non, trop fort. Vous êtes trop fort. Trop fort. Martine Hulot, Cécile No. N'hésitez pas à aller sur le site www.martinehulot.com. Je repasse la parole à Annabelle. Radio Debout, toujours sur la place de la République. Et on va écouter un petit peu d'Agé. Grande civilisation et du grand histoire, la Tunisie, quand même. J'espère qu'un jour, vous serez les bienvenus chez moi, comme je suis le... Et voilà. Je pose trop de questions dans ma tête. Je dis pourquoi je suis ici en France. Parce que je suis en France, parce que voilà, je me sens bien. Je dis ce que je pense, je vis tranquille, je picole, je baise, je voilà, il y a tous les nanas, les hommes, les femmes, la démocratie, les... Il n'y a pas d'illettrisme, je vois les écoles, je vois les universités, je vois tout le monde, une grande prospérité, je vois les, je sais pas, une grande démocratie. Après j'ai dit, pourquoi les Français, pourquoi les Occidentaux, ils ont peur de venir chez moi, en Tunisie, en Arabie Saoudite, en Iran? Je pose trop de questions. Pourquoi tous ces barrages? Pourquoi ils s'en foutent de nos gueules comme ça? Pourquoi les riches s'enrichissent et nous on crève? Pourquoi les riches ils en ont des enfants? On dirait que nous on est, je sais pas, on a rien. Que, voilà, je sais pas. Je me pose des questions. Je sais pas. Est-ce que je suis humain? Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes illettré? Est-ce que vous regardez le cinéma? Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que vous posez la question comme je me la pose moi aussi? Et voilà. Je sais pas. Soyez conscient, s'il vous plaît, c'est tout. Et vive l'humanité. Un point lutte. Ouais, du coup, je reprends la parole deux secondes pour vous dire que, bah, en fait, on a perdu la fille qui a proposé de partir. Donc, du coup, moi, je propose un rendez-vous avec plus de monde parce que là, on est genre 10. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même pas le mieux pour partir. Donc, je propose rendez-vous tout de suite ou dans genre 3 minutes entre la statue entre la statue et la sortie du métro principal. Et comme ça, on part rapidement, voilà. Donc venez avec, soyez nombreux, c'est cool de discuter, c'est mieux d'agir, et voilà. J'appelle à nouveau au cas où Hamid D, Martin D, Christophe G, Xavier D, Denis C. Et sinon, alors j'appelle pour la suite Angel M, Christophe G et Suzy P. Donc, bonjour, je m'appelle Denis. Alors je vais vous raconter un truc qui s'est passé hier soir. Attendez, je vais monter. Voilà, c'était juste là, près de la statue. Il y avait deux filles qui commençaient à se faire violer. Et donc je suis passé, j'ai remarqué ça, je vais semblant de les connaître, etc. Et j'ai réussi à les sortir d'une grosse merde, je pense, juste en faisant ça. Je les ai raccompagnés après. Ils ont suivi pendant une vingtaine de minutes à peu près. On a croisé un groupe de 8 personnes. On leur a expliqué la situation, ils nous ont aidés à les empêcher de nous suivre, en fait. Du coup, ils sont bien rentrés, etc. Et en fait... Enfin, je trouve que ça devrait être normal en fait, parce que je veux dire, là on se retrouve tous ce soir sur cette place, je pense que ça va dans le sens de notre mouvement et que ça fait partie des valeurs qu'on défend, le fait de, quand il y a quelqu'un qui se fait agresser, juste défendre les personnes. Et en fait, moi je proposerais bien quelque chose comme, je sais pas, un groupe citoyen anti-agression, c'est-à-dire des personnes volontaires qui la nuit marchent tout simplement et regardent s'il n'y a pas des agressions autour d'elles, et si c'est le cas, intervenir de préférence pacifiquement. J'ai pas eu besoin de violence pour résoudre ça là, j'ai juste eu besoin d'être à peu près bon acteur et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire ça, juste venez me parler, je serai derrière là, et voilà, ok, merci. Non, je ne vais plus jamais travailler, plutôt crever. Radio Debout. Radio Debout, Breaking News. Il est 22h18 et ici sur la place de la République, il y a une manifestation sauvage qui s'est improvisée et qui est en train de partir. On a lancé nos reporters et reportrices à la course de cette manifestation, donc on vous tient au courant dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, on part aussi à Banlieue Debout, on aura un petit point à Grenoble et on aura toute une demi-heure entre économie et psychanalyse. Mais tout de suite, on continue d'écouter les commentaires glanés sur le net par Internet. Farida. Il y a besoin de se rencontrer, il y a besoin d'échanger en réel avec les autres, il y a besoin de vivre ensemble les paroles des uns et des autres. Marius, le but est pas de tout faire péter, mais d'abolir l'immobilisme des Français et de les amener à réfléchir, penser la politique autrement, s'impliquer. Hélène, ne restez pas derrière vos écrans. Allez, venez, participez aux commissions. De nombreux sujets sont traités. Apportez votre contribution. Nuit debout, partout. Urgent. Le pôle logistique peut-il se manifester pour leur gars de ce soir ? Merci. Roberto 96. Les soi-disant responsables du mouvement sont des rigolos. Tu sais, comme un peu dans son travail, les trois quarts sont contre le patron, mais une fois devant, ils leur sucent les couilles. Quartet. Les patrons ne comprennent qu'un langage. Grève, blocage, sabotage. 22h20 sur Radio Debout, toujours en direct de la place de la République à Paris. L'Assemblée Générale se poursuit derrière nous et nous sommes autour du studio de Radio Debout avec Almami. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dans la vie éducateur spécialisé dans le Val-de-Marne, militant associatif. Dans l'Essonne, voilà, déjà on confond, ça commence bien, mais aussi militant associatif et politique, et vous avez été un des artisans des premières Nuits Debout dans les villes périphériques de la banlieue de Paris, donc Saint-Denis, mais aussi Créteil. Comment ça s'est passé déjà ces premières Nuits Debout, et est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis, c'était la semaine dernière? Je dirais, petite correction, je fais partie de ceux qui ont impulsé. Impulsé, on va dire, en prenant la parole publiquement lors des AG sur la place de la République. Et donc il y a une amorce qui a été lancée, ça, en espérant que ça va prendre concrètement. Mais comme j'ai pu le préciser à plusieurs reprises, ça prendra concrètement lorsque les différents acteurs sociaux de banlieue, pas forcément issus de quartiers populaires, décideront de se concerter, d'avoir un minimum de réflexion et de stratégie, puisque je pense que la place de la République doit être une base, en quelque sorte, où nous puissions nous rencontrer, réfléchir ensemble, faire connaissance avec ceux qu'on ne connaît pas forcément, et de là, partir sur, en quelque sorte, un calendrier où on mènerait des actions tous ensemble. Et le tous ensemble, j'appuie sur le tous ensemble, puisque pour moi, il est important de pouvoir aussi provoquer une mobilisation de la place de la République vers les banlieues. Donc le mouvement, pour vous, il doit partir de la place de la République pour aller vers les banlieues? Non, il doit germer dans les banlieues. Il doit germer aussi dans les banlieues, c'est-à-dire qu'il faut que ça parte aussi des banlieues. Il faut que l'effort soit fourni à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'un côté il y ait une attente comme il y aurait une attente de l'autre. Je pense que l'effort doit être fourni au niveau de tous les bords et puis avoir aussi cette curiosité d'aller vers l'autre. Parce que à force d'être dans une société qui nous impose à être dans l'individualisme, ben, l'effet pervers, c'est que chacun reste dans son coin et qu'au final, rien n'aboutit, rien n'évolue, rien n'avance. Pour l'instant, ça reste, c'est vrai, un mouvement de centre-ville. Oui, mais on ne perd pas espoir. On ne perd pas espoir. C'est pour l'une de ces raisons que je me permets de prendre la parole. Après, je ne prends pas la parole pour me prétendre étant le porte-parole ou le porte-voix des banlieues ou des quartiers populaires. Je suis l'un des haut-parleurs. Et en tant que haut-parleur, ben, je me dois de porter une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, en espérant que les habitants en banlieue puissent se brancher régulièrement sur TV Debout, Radio Debout, suivre les AG en direct. Comme ça que vous faites, vous essayez de leur dire regardez, écoutez, ça vous concerne aussi. Oui, j'assure un minimum de relais. Un lien. Un lien. Et pour ne pas laisser les gens qui ont déjà une idée arrêtée de se dire que c'est uniquement un truc de bobo, j'ai rien à y faire. C'est l'idée qui est répandue de justement dans ces quartiers, que c'est quand même un truc de bobo. Après je reprendrai le proverbe, je sais pas si je vais réussir à en donner l'intitulé exact, mais quand on ne veut rien faire, on dit que on trouve toujours des excuses. Alors que quand on a vraiment envie de faire, on a juste à se bouger les fesses, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il n'y a pas d'envie de se bouger dans les quartiers ? Ah, je ne parle pas que des quartiers, même de la place de la République. Il n'y a pas d'envie de la République d'aller vers les quartiers non plus. Mais alors comment franchir ce mur, c'est vrai, qui est géographique, qui est dans les mentalités aussi. Il faut travailler sur le commun. Hein ? Alors qu'est-ce qu'on a de commun ? Ça paraît évident, mais il faut peut-être le redire. Le commun se dessinera à partir d'un moment où les actions interpelleront vraiment la masse, à la fois alors vous pensez à ceux quoi, du centre-ville. Par exemple, quel genre d'action peut faire commun, peut faire lien commun ? Par exemple, les expulsions qui ont reprises, pourquoi pas se dire empêcher ou faire blocus face à une expulsion à laquelle on a déjà la date, et s'opposer aux huissiers, aux forces de l'ordre la mise en application de cette expulsion. Expulsions locatives ou les expulsions de sans-papiers ? Les deux. Ah, les deux. Les deux. D'accord. Les expulsions avec un grand E. Moi, j'irais jusqu'à même aller occuper les hôtels de ville en banlieue. Voilà, c'est la maison du peuple. On n'a pas à nous imposer des horaires d'ouverture de 9h à 17h. Non, on occupe l'hôtel de ville. C'est notre hôtel, c'est notre maison. Et là, on pourrait y imposer, par exemple, un vrai débat public, démocratique, avec ou sans les élus. Mais là, c'est la population qui décide de prendre les commandes. Et on n'est pas obligé d'attendre le conseil municipal pour ce faire. Si la jonction se fait, la fameuse convergence des luttes, des intérêts, des envies, si elle se fait, est-ce qu'elle pourra se faire vraiment sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans se dire on aura besoin de des gens des quartiers qui sont en général exclus de tout, mais là il faudrait qu'ils viennent parce que ça permettrait de grossir un petit peu le mouvement. C'est un risque ? Est-ce que c'est un risque pour vous ? Moi je pense. Bon, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas venu en me disant en venant sur la place de la République, ils viendront systématiquement sur Fresnes. Je ne me suis pas dit ça. Moi, je suis venu pour rencontrer des gens déterminés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens déterminés. Peu importe que ce soit X, Y, Z, que tu sois un petit bobo, que tu sois un paysan, que tu sois un pauvre, que tu sois un SDF. Si je sais que j'ai affaire à des gens déterminés et qu'avec ces individus, je sais que je pourrais aller mener une action coude à coude, je pense qu'on aura fait un grand pas. Je pense que mon intérêt, il est là. C'est pas de me dire je viens chercher du renfort place de la République, puisque les mobilisations, il y en a toujours eu, il y en aura encore dans nos banlieues. Et un exemple, quand il y a eu Zié Debouna, je pourrais me permettre de dire que le centre-ville ou les bobos, on les a pas vus. Ils n'ont pas bougé. Mais je ne suis pas rancunier. Vous n'êtes pas là-dedans, bien sûr. Voilà, je ne suis pas là-dedans. C'est juste que là, il y a une occasion, il y a l'opportunité de converger. Donc, j'ai entendu, j'ai senti qu'il y avait cette ambition. Donc maintenant, la mise en application, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que, je sais que Thomas, j'aurai de nouveaux camarades avec qui je prendrai le temps de faire connaissance à travers nos différentes luttes. Faisons connaissance tout en luttant ensemble. Mon état d'esprit et le message que je renvoie aussi aux habitants des banlieues qui ont encore cette réticence et cette timidité. Encore ce soir, j'ai un camarade de la Courneuve qui a fait le déplacement pour voir de plus près, puisque certains suivent mes déplacements, mes faits et gestes sur les réseaux sociaux. Donc ils sont venus te voir, discuter, voir de plus près. Et un exemple que je cite, que je commence à citer régulièrement, c'est ce fameux jour où les autorités ont décidé de réquisitionner la Sono pour empêcher la mise en place de l'AG. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire à mes camarades en banlieue que j'ai vu des bobos, excusez l'expression, j'ai vu des bobos porter leurs couilles, parce que quand ils sont fait prendre la Sono, ils ont encerclé les forces de l'ordre. Et avec la pression de la masse, sans violence, la Sono est revenue. Preuve qu'ensemble, on peut faire les choses. Et j'en profite pour faire une dédicace à Faïma, puisque je sais que c'est Faïma qui avait plus ou moins donné ce mouvement, influé sur ce mouvement de foule. Et il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de coup de gaz. C'est juste que les forces de l'ordre se sont dit, remettre le matériel à sa place avant qu'il y ait tout risque de débordement. Et ça, ils étaient, peut-être 1000 ce jour-là. Mais imaginez, et comme j'ai su le préciser lors de l'une de mes dernières prises de parole en AG, j'espère vraiment la fusion entre Paris et les banlieues, l'Île-de-France. Mais c'est-à-dire, quand je parle de l'Île-de-France, c'est à la fois les agriculteurs, les habitants de banlieues, de centre-ville. Toutes les périphéries. Tous ceux qui en ont ras-le-bol, tous ceux qui en ont marre, et qu'on commence à se discipliner, à ne plus forcément marcher derrière une bannière, des drapeaux ou des banderoles, mais entre nous et avec tous ceux qui veulent se battre. Merci beaucoup, Almami, artisan du lien entre les centres-villes et les périphéries. À bientôt sur Radio Debout. Radio Debout, Debout, Radio Debout, Debout, Debout. Radio Debout, toujours en direct, et on a notre reporter en direct de la manif qui vient de quitter la place de la République. Qu'est-ce que tu m'entends ? Allô ? Ah non, sur des oignons. Ah voilà, c'est pour ça. Alors, des litres d'huile sur des oignons. Est-ce que tu peux nous dire, on n'a pas... Allô ? Ouais, allô, allô. Je ne vous entends pas bien. Alors on va repartir à l'AG, on va revenir dans... Non, c'est bon, vas-y, continue. Dans deux minutes. On part à l'AG, on revient dans deux minutes avec un vrai fumeur. Sincèrement, je pense que... c'est bien beau, moi je vais vous dire, ça fait 3 ans, je suis au chômage, je touche rien, mes droits sont pas respectés, c'est pas pourtant que je suis violent, que je vais aller tuer quelqu'un, il faut savoir rester, il faut rester logique. Là tout d'abord, pour amener le plus de personnes à cette manifestation de grève, il faut rester pacifiste, pour faire comprendre au gouvernement, pour faire amener ces gens, parce que ces gens-là, ils ont peur. Tout ce, quand on parle de Nuit Debout, c'est oui, Nuit Debout des casseurs. Voilà, non, c'est pas des... Non, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde des bisounours. Il y a des casseurs qui sont juste là pour casser, qui n'ont rien à foutre. D'accord ? Quand on va dans les cités, qui sont là avec leurs revolvers, ou à faire du trafic de drogue, ou à violer des gens, je suis désolé, mais moi, je n'accepte pas ça. Ça commence vraiment à bien faire. Alors maintenant, un moment donné, il faut arrêter. Il faut d'abord rester. Il faut réfléchir un petit peu. Il ne faut pas. Justement, c'est ce que le gouvernement veut. Donc, pour cela, il faut d'abord. Je m'explique. Il faut d'abord rester pacifique. Parler, montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple aux enfants que c'est pas tout de suite j'arrive, je cogne. Mais aujourd'hui, c'est ça. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, donc on va le frapper. On n'est pas d'accord parce qu'il est homo, on va le frapper. Non, c'est d'abord on discute, on apprend à connaître les gens. C'est ça passe d'abord par la parole. Après, si ce gouvernement, apparemment c'est le 3 mai, si Hollande adopte cette loi, là, oui, on deviendra violent et là, ce sera normal. Et là, les journalistes, il faut montrer aux journalistes pour dire, ben voilà, c'est la faute d'Hollande parce que ils ont été pacifiques, mais il a pas voulu écouter. Voilà. Oula. Ok, j'appelle Adrien. Si, mais je... Oui, c'est vous, j'arrive. Bonjour. Ça fait 2 heures, j'ai trop froid. Moi, je voulais vous dire que je bosse dans l'éducation depuis des années. Ouais, enfin, c'est pas mal, mais il n'y a pas non plus de... Voilà, c'est bien, mais on peut bosser très mal dans l'éducation, hein, je m'excuse, mais moi, j'espère bosser bien. Voilà. Et je voulais vous dire que j'entends beaucoup de gens qui disent « Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on fait. Moi, je crois qu'il ne faut pas être pressé. En fait, faut pas être pressé de faire des choses, faut pas être pressé de du concret, faut pas être pressé d'aller dans la rue, faut pas être pressé. On discute, bordel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On se connaît, on se comprend. Vous croyez qu'on va créer une nation, enfin, on va pas dire vous, on croit, je veux dire nous. Ne croyons pas qu'on va créer un projet en 15 jours, c'est pas vrai. Ne croyons pas qu'on va créer quelque chose dans si peu de temps. On a le temps. Il faut se donner le temps parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et dans l'éducation, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est le temps. Voilà. Aussi pour vous dire que j'ai intégré une commission éducation. Forcément, je travaille dans l'éducation, donc j'intègre une commission. Et qu'on va faire des réunions pour faire venir des pédagogues, faire venir des gens. Demain à 18h, on se réunit là. Et... pour faire venir des gens qui nous parlent de ce qu'ils font, des méthodes pédagogiques, de ce qui se passe. Voilà, parce qu'on a plein d'idées, mais il y a plein de choses qui se font et des choses qui se font bien. Voilà, donc on va faire venir des gens, peut-être montrer des films, montrer des bouquins, en tout cas des gens qui font des choses qui se passent et qui font des choses qui sortent des sentiers battus. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la commission éducation, parce que à mon avis, c'est par là que ça passe. C'est par les enfants, c'est par l'éducation. Et on doit commencer comme ça. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Et on a le temps. On a le temps, on sur Radio Debout aussi. Bah parce que vous allez debout. On est sur Radio Debout en direct de la place de la République. Et puis, donc on a eu notre reporter en direct de la manif qui commençait à partir du côté du boulevard Magenta. Le petit cortège qui n'était pas énorme mais qui était de moins de 100 personnes a été bloqué par la police à l'angle de la place de la République et du boulevard Magenta. On vous tiendra au courant, évidemment. Radio Debout. Bonsoir, alors nous voilà revenus sur le plateau de Radio Debout. Je suis ce soir en compagnie de Arthur Juteau, qui est doctorant en sciences économiques et sociologie et qui enseigne à Sciences Po et Paris 1, et aussi avec Marie-Christine Juste qui est psychanalyste. Mais alors elle n'est pas seulement psychanalyste, c'est également une citoyenne engagée, ce qui la pousse à scruter le paysage économique au niveau national et international. Donc voilà, le psy, les mots, l'économiste, le système, on va faire dialoguer tout ça. Alors, mais avant tout, Arthur, en tant que prof, vous avez organisé depuis le début du mouvement contre la loi travail des cours alternatifs à Paris 1, qui visait à expliquer peut-être plus généralement et peut-être plus facilement les soubassements économiques de cette loi. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, alors derrière cette loi, il y a quelque chose d'assez clair, c'est une croyance dans le marché, dans les bienfaits du marché en fait. Que l'idée que si on laisse faire le marché, si on laisse faire, si on laisse s'accorder les gens entre eux, bah, tout va aller pour le mieux. Et en matière de travail, puisque c'est, la loi parle précisément de ça, l'idée c'est de dire que si on augmente la flexibilité sur le marché du travail, on va faire baisser le chômage. Ça c'est le postulat de départ de cette loi, c'est d'accroître la flexibilité, de faire en sorte que les gens puissent avoir une amplitude horaire plus forte dans une journée de travail, que les 35 heures soient progressivement remises en cause, de plus en plus remises en cause. Il y a des choses aussi sur les congés. Bref, tout ce qu'il y a dans cette loi, l'idée, c'est d'accroître la flexibilité, parce que plus on est flexible, plus en économie, on dit qu'on peut ajuster l'offre et la demande et donc être dans une situation qui est la meilleure, celle où il n'y a pas de rigidité, et le mot n'est pas choisi par hasard. Et autant aller droit au but, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, quand on regarde si cette relation est vraie, si on regarde les pays de par le monde, les pays comparables aux pays comme la France, si dans les pays où on est plus flexible, on n'est pas moins au chômage. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui disent ça, les gens qui disent qu'il n'y a aucun lien entre la flexibilité et le chômage, c'est l'OCDE, par exemple, qui est un organisme très libéral. C'est des économistes qui sont eux-mêmes très libéraux. J'ai envie de dire, eux-mêmes disent que ça ne marche pas d'un point de vue économique, qu'il n'y a pas de corrélation entre flexibilité du marché du travail et le taux de chômage. Il n'y a pas de corrélation. Ça, c'est un résultat qui est très clair, qui est reconnu par tout le monde. Et c'est dire si derrière cette loi, il y a une charge idéologique très, très forte, en fait. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, alors Marie-Christine. Alors, voilà. Moi, j'écoute Arthur avec beaucoup de plaisir. Et la première chose que ça me donne, la première façon que j'ai envie de réagir, c'est de dire le discours, et je le dis d'une façon très populaire, est pipi. Ce qu'on entend dans ce qu'Arthur dit, c'est effectivement un discours construit qui est celui que l'économie a servi pendant plus de 10 ans, 15 ans, etc., nous a servi au titre de quelque chose qui nous dépassait, qui ne tenait pas compte ni de la population en termes d'élaboration personnelle, ni en termes d'élaboration collective sur l'économie, et qui ne pouvait se justifier que quand c'était un discours qui était repris au niveau d'une expertise. Donc c'est-à-dire qu'en somme, c'est un discours qui pense le système et la structure et qui oublie qu'il y a des humains au cœur de ce système et de sa structure. Et qui, en lui-même, porte les germes et la tonalité de, en fait, que le cynisme est présent là-dedans, parce que ça disqualifie l'être humain d'emblée. L'objectif, il n'est pas ça. L'objectif, il est de pouvoir reproduire, même dans la formulation de la loi, parce que la loi, elle a un rapport après direct avec l'économie, c'est de pouvoir reproduire des schémas qui serviront les oligarchies internationales, pour aller vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, toi, Arthur. Là où je suis assez d'accord avec Marie-Christine, c'est que c'est comme si l'économie s'était autonomisée du politique, d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, l'économie, la bonne marche des marchés et des libres marchés devait primer, en fait, sur le politique. Or, ce qu'il faut, c'est justement essayer de redomestiquer l'économie, au sens où l'économie, elle doit être au service du politique, mais surtout pas l'inverse. C'est pas la politique qui doit se mettre au service de l'économie, comme c'est le cas... comme c'est le cas depuis plusieurs années, avec l'idée qu'il y a une espèce de mondialisation inéluctable, que le libre-échange c'est inéluctable, qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles on ne peut plus rien faire parce que c'est comme ça, parce que c'est l'économie, et comme si le politique n'avait plus de pouvoir d'agir sur le monde. Et il faut retourner cette perspective en montrant que, contrairement à ce que nous dit cette loi, pour faire baisser le chômage, on n'est pas obligé de perdre quelque chose. Parce qu'il y a cette idée-là derrière cette loi. Pour que les choses aillent mieux, il faut qu'on lâche quelque chose. Il faut qu'on lâche quelque chose sur nos droits, sur notre dignité. Voilà, je donne juste un exemple. Mais dans cette loi, il y avait au départ, ça a été retiré depuis, mais il y avait au départ l'idée de dire qu'aujourd'hui, dans le Code du travail, par exemple, en cas d'événement familial grave, décès, maladie, etc., on a le droit à un certain nombre de jours de congés. Dans la version initiale de la loi travail, c'était supprimé, c'était laissé à l'appréciation de l'employeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Code du travail, si cette loi passe, ne devait plus nous prémunir contre l'arbitraire de l'employeur, contre l'arbitraire du patron, ce genre de choses. Oui, alors moi je veux bien rebondir là-dessus, parce que la loi travail, dans le fond, elle a été construite, et on peut l'observer, comme dans d'autres secteurs, elle a été construite par des lobbies. Donc en fait, justement, on va peut-être s'arrêter sur ce mot de lobby et on part en coupure. On a une pub, une petite pub amusante pour la loi Macron, et on va voir si oui ou non ça nous parle de lobby chez Macron. Trop de boulot. J'en peux plus. Vous n'arrivez plus à vous en sortir ? Je suis débordée au bureau. Quand je rentre, il y a toujours une tonne de choses à faire. Vaisselle, poussière, linge sale, devoirs conjugaux, c'est horrible. Vous n'avez plus de temps pour rien. Allez chérie, viens t'asseoir. Mais non, je peux pas là. J'ai la vaisselle, après le linge, après bon ben on va baiser. Notre couple est débordé, il faut vraiment qu'on trouve une solution là. C'est bien simple, j'en peux plus. Alerte Zouk ! Ce couple est en train de perdre le Zouk. Grâce à la loi El Khomri, l'esclavage a été rétabli. Zouk, prestataire numéro 1 d'esclaves domestiques, a sélectionné pour vous les meilleurs esclaves du marché. En 48 heures, retrouvez le Zouk des premiers jours. Docile, solide, l'esclave Zouk s'occupe de tout et vous permet de reprendre pied dans votre vie. Chérie, ce soir j'ai invité les Martinez à manger. Mais j'ai rien préparé. Mais enfin chérie, c'est fini tout ça. Notre esclave Zouk va s'occuper de tout. Mais oui, bien sûr. Allez, viens t'asseoir, je te prépare un drink. Ah. Arrête. Merci, c'est bon. Et oui, on est libre avec un esclave. En plus, donnez-lui le prénom que vous voulez. Maman, maman, il est où Zouki ? Je crois qu'il est dans la buanderie. Zouk, partenaire de votre bonheur. N'attendez plus, vous aussi prenez un esclave. Plus d'infos sur slave.gouv.fr. Et nous voilà de retour sur le plateau de Radio Debout, donc avec Arthur Juteau et Marie-Christine Juste qui a beaucoup rigolé à l'écoute de cette petite pub. Donc justement, juste avant de partir, on parlait de cette opposition entre les lobbies et l'humain. Là, la pub nous a parlé d'esclavagisme. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, justement, sur comment vous regardez tout ça, vous regardez les rouages de l'économie. Oui, alors c'est compliqué et en même temps ça peut être très simple. Parce que par exemple, quand j'ai entendu les informations sur la loi Khomri, je me suis, en tant qu'une femme d'une certaine génération, je suis pas née en 68, mais je suis de la génération 68. Donc qu'est-ce que j'entends ? J'entends une loi qui détruit tout. Boum, boum, boum. Donc trois, qui continue la politique de Sarkozy de 10 ans, mais dans le champ du travail, c'est vachement grave. Et qui justifie la possibilité de cette loi par le nom de Balinter. Donc il commence par pondre un truc qui serait une déclaration vraiment liminaire sur l'ordre éthique de la loi, et après tout est détruit les uns derrière les autres. Ça, c'est la même politique que ce qui a été fait en Grèce depuis 5 ou 6 ans. C'est-à-dire, le système néolibéral, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ça ne les intéresse pas, les hommes. Ce qui les intéresse, c'est le fric, c'est tout. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit tout en Grèce, les uns derrière les autres, ils ont tout détruit. Et justement, puisqu'on est quand même issus une nuit debout, donc a priori c'est un mouvement très vertical, c'est les hommes qui font vivre le mouvement. En tant qu'économiste, comment est-ce que selon vous, une assemblée de ce type, ou est-ce que d'un point de vue micro, on peut avoir une efficacité sur un système économique à renverser ou à réinventer à notre échelle ? Je pense justement qu'il ne faut pas se laisser faire par l'économie et ça consisterait à croire justement les promoteurs de cette loi qu'il faudrait forcément lâcher sur quelque chose pour améliorer le chômage. Et je pense qu'il faut retourner la perspective en disant qu'on peut faire baisser le chômage en gagnant d'autres droits. Et notamment, je pense que quelque chose qui pourrait être envisagé ici, c'est la réduction du temps de travail. C'est une politique qu'on a tentée pour la dernière fois il y a une quinzaine d'années. C'est le sens de l'histoire. Depuis un siècle, on travaille moins et on gagne plus. Et dans un pays où il y a plus de 3 millions de chômeurs, on pourrait très bien envisager de réduire à nouveau le temps de travail pour réduire le chômage, mais aussi pour améliorer la qualité des emplois. Parce qu'il y a ça qu'il faut voir. Il y a le fait de savoir si cette loi travail, elle marche ou pas pour réduire le chômage, mais il y a aussi la question qu'il faut se poser, qui est de quelle société elle nous amène et quels emplois on crée. C'est-à-dire, c'est une chose de faire baisser le chômage, mais à quel prix on fait baisser le chômage ? On voit en Allemagne qu'on a fait baisser le chômage, et on voit qu'on a fait fait augmenter le taux de pauvreté. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et l'avantage d'une politique de réduction du temps de travail, c'est qu'on peut faire baisser le chômage tout en améliorant la qualité des emplois. Et nous, c'est ce qu'on pensait de notre génération. Ce qu'on avait pu élaborer en termes de pensée critique et imaginer, mais sans avoir besoin de l'imaginer en termes très concrets, de l'évolution. Ce serait qu'effectivement, des espaces de plus en plus nombreux, alors là on va faire le lien avec ce qui se passe ici, mais des espaces de réflexion et comme des espaces et des temps de liberté permettraient aux êtres humains, pris dans toutes leurs dimensions, de continuer à approfondir l'humain, l'art, le travail choisi, ce qui a un rapport au désir et au rêve. Et là, ce qui se passe ici, c'est superbe. Bah justement, on va retourner écouter ce qui se passe ici, un peu. Donc voilà, de retour vers l'âge. Il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. Nous vivons de notre temps, nous vivons de notre époque. Chaque époque a son temps. Chaque chose a le temps. Nous sommes dans un temps très difficile. Très difficile entre les peuples. Moi, je préfère entendre dire le peuple que la République. Quand on dit peuple, ça c'est tous les gens qui sont dans cette terre. Que ce soit de bonheur ou de malheur, qui ont le cœur. Qui ont le cœur d'agir pour changer les choses. C'est pour ça que l'Amérique a été... L'Amérique est grand. Il y a des gens qui veulent parler. Oui, je vais passer. C'est fini. Ok, merci, bonsoir. Bon, merci. Bon, tous. Attends, une seconde. Je remercie la Nuit Debout. Je remercie tous ceux qui viennent chaque jour là. Que ça soit plus que tout ça. C'est le symbole de Paris. Merci. Nickel. Donc je fais passer un autre message. On arrête les tours de parole pour le moment parce qu'il y a une bonne heure d'attente du coup pour laisser le temps à tous ceux qui sont inscrits de passer devant vous. Donc j'appelle Drago. Est-ce que Drago était là il y a 5 minutes? Ah ben non, bon, on va pas y arriver. Donc j'appelle la commission SDF, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commission. Bonsoir, je me présente Sébastien, commission SDF. Ont-ils pouvoir, mais pas anarchiste. Il se passe qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on demande un maximum de personnes pour pouvoir avoir des signatures pour une pétition contre la violence policière, ainsi que le gouvernement du maire du 16e, ainsi que ses riverains nous interdisent. Nous, on demande la paix, on demande le reste, mais... On n'est pas des animaux, mais simplement des humains. Je vais encore redire une chose. Au jour d'aujourd'hui, on préfère plus attaquer un SDF qu'une personne civilisée, comme les sages qui nous attendent et qui veulent faire leur loi. Malheureusement, il y en a certains des sages que j'appelle les bleus cuirassés. C'est mon droit, c'est ma parole. Les bleus cuirassés, quand ils m'ont déchiré ma toile de tente, et que tout simplement ils m'ont dégagé par les pieds, comme un chien. C'était la commission SDF qui s'exprimait à l'AG, qui jouxte juste l'attente de Radio Debout. Le monsieur était venu dans le studio hier. Un petit point breaking news de Radio Debout, puisqu'on essayait de suivre ce début de manifestation qui avait été annoncé en Assemblée Générale, une manifestation qui devait se dérouler dans la nuit de manière un petit peu improvisée dans les beaux quartiers. Et ben, la manifestation a essayé toutes les rues autour de la place de la République, et à chaque fois les CRS ont empêché le départ de manifestation, ce qui a réduit un petit peu le nombre de gens motivés, et apparemment ils sont un petit peu dispersé pour l'instant, vous tiendra bien entendu au courant. Radio debout, radio debout, radio debout. Radio debout. Radio debout, radio debout. Eh, c'est la radio debout. Nous sommes maintenant de retour sur le plateau avec Arthur Jatteau et Marie-Christine Juste. Alors juste avant qu'on parte, Marie-Christine, vous nous parliez de votre expérience de 68 Arts. Alors moi, ça m'intéresserait qu'on s'intéresse justement un peu à l'héritage de cet événement-là, quand même, auquel a souvent été comparé Nuit Debout, en termes de qu'est-ce qui, selon vous, a marché et qu'est-ce qui, selon vous, n'a absolument pas marché et qu'est-ce qu'il faut éviter, de quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer ? Je ne sais pas de quoi on peut s'inspirer en réalité, mais je vois vraiment deux moments très différents. C'est-à-dire, les contextes sont complètement différents. Ce qui était de l'ordre de l'émancipation de la pensée, de l'ordre de l'émancipation des mœurs, était quand même dans une perspective très joyeuse dans les années 68. Il ne faut quand même pas l'oublier. Alors même s'il y avait non loin, ou même en Amérique latine, de grandes dictatures qui s'installaient, ou même en Grèce en 67, etc. Enfin, autour, il y avait des dictatures, mais le mouvement de certains, d'une certaine Europe, c'était un mouvement d'émancipation hyper joyeux, lié à beaucoup de musique, à beaucoup de choses. Ce que j'entends des discours, de l'intérêt que j'ai eu à écouter comme ça les différents lieux qui s'organisent ici, les commissions, etc. Il y a des discours très différents, mais il y a quelque chose de très très lourd qui, à mon avis, est lié, très lourd, je veux dire, dans la parole exprimée. On sent un très très fort malaise et d'un verrouillage vraiment de la parole au niveau politique qui, en dehors de commissions qui sont liées à des groupes déjà constitués depuis un certain nombre d'années, quand les gens prennent la parole, comme la personne qu'on vient d'entendre juste avant, c'est une très grande souffrance qu'on entend. Alors ça, c'est un début. Arthur, est-ce que vous aimeriez réagir ? Oui, alors moi, je pense que c'est intéressant de revenir en arrière. 1968, c'est une nouvelle semaine de congés payés. Si on remonte un peu encore en arrière, 1936, on crée les deux semaines de congés payés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris. On a des histoires d'ouvriers qui restent deux semaines au fond de leur cabanon parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que les congés payés. À l'époque, c'est totalement nouveau. Comment ça ? Deux semaines, on reste chez nous et c'est le patron qui paye. C'est incroyable. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rêver là-dessus. Et l'économie peut servir à ça. Il y a des gens qui viennent ici, il y a des économistes qui théorisent la réduction du temps de travail, que ce soit en ajoutant des semaines de congés payés, en partant plutôt à la retraite ou en travaillant moins par semaine. Tout ça, c'est possible. Il ne faut pas se laisser croire et laisser dire que ce n'est pas possible. Et enfin, pour remonter encore plus loin dans le temps, dans la première mouture de la loi, il y avait l'idée d'allonger le temps de travail des apprentis, donc des enfants qui ont entre 14 et 18 ans, jusqu'à 10 heures par jour, contre 8 heures normalement aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une des premières lois sociales dans ce pays, c'est sur le temps de travail des enfants. C'est 1841, on réduit le temps de travail des enfants à 8 heures par jour. Et symboliquement, parce que cette loi, elle est chargée de symboles, symboliquement, ça me semble quand même fort que plus d'un siècle après, on rallonge le travail des enfants. Avoir ce retour historique, ça permet de voir où on en est finalement avec cette loi-là. Alors moi, je voudrais aussi donner un aperçu de ce que j'ai entendu ici, parce que c'est vraiment... Alors, on entend des choses très, très différentes. En rapport avec ce que tu dis sur la différence entre 68 et puis maintenant, je pense que, par exemple, même c'est quand même un élément important, la discrimination et la disqualification dont a fait l'objet 68 les dernières années n'a pas permis aux générations montantes de se rendre compte du lien qu'il existe entre cette époque-là et maintenant. Tout est différent, mais il y a des liens historiques. C'est toujours des luttes d'émancipation, c'est toujours des luttes pour pouvoir retrouver des espaces de parole et de liberté et d'égalité et de droits sociaux et de justice, etc. Or, 10 ans ou presque 15 ans là, bafoués littéralement à cause d'un problème qui était l'extrême droite, à cause de la montée de discours qui déniaient la dimension de l'histoire. Donc on en paye un peu les pots cassés aujourd'hui dans la difficulté de faire réémerger au niveau individuel, je veux dire, une parole de grande liberté, mais qui sait nommer les difficultés qu'on traverse en ce moment, etc. Alors, il y a les très politisés, puis il y a les moins politisés. Donc voilà, tout le monde travaille ensemble pour voir. Mais là, toi, tu as une idée de sur quoi ça peut déboucher ? Alors ça, c'est la grande question. C'est un peu dur à dire. Si ça débouche déjà sur le retrait de cette loi, ce sera déjà un premier pas, parce que refuser un pas en arrière, c'est déjà faire un pas en avant. Et juste, il y a quelque chose, il faut que ce soit clair aussi pour tout le monde. Cette loi travail, en fait, finalement, il y a très peu de choses de nouveau. On reprend ce qu'on fait depuis 30 ans en France. Et croire qu'on refuse de réformer, les Français refusent qu'on réforme le marché du travail, etc. Ça fait 30 ans que ces recettes néolibérales de flexibilisation du marché du travail elles ont cours et ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Voilà. La dernière politique en matière de marché du travail qui a marché, c'est la politique de réduction du temps de travail. Ça a eu lieu il y a 15 ans et c'est cette voie-là qu'il faut suivre, parce qu'on fait depuis 30 ans de flexibilité encore davantage sans résultat probant sur le marché du travail. Merci beaucoup Arthur. Maintenant, on écoute une petite publicité. Le PS vous propose, pour la croissance et le pouvoir d'achat, le papier à rouler Macron. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Le papier à rouler Macron. Laissez-vous enfumer. Il faut que notre jeunesse ait envie de réussir, d'aller plus haut, plus loin. Et si on met des règles partout, des plafonds, si on veut bloquer, c'est ça, si on veut toujours considérer que c'est bien de réussir un peu, mais pas trop. Est-ce qu'on rend service à notre jeunesse? Je crois pas. Grâce au papier Macron, tu vas travailler du lundi au dimanche. Tu vas te faire licencier sans indemnité. Ton patron voyou ne pourra plus aller en prison. La réforme, on ne la joue pas au dé. Tu ne pourras plus attaquer ton patron au prud'homme. Il partagera encore moins les profits. Ouvrir le capital, c'est 1. Extrêmement profitable et bon pour le contribuable. Et 2. C'est pour se désendetter et réinvestir. Il pourra fermer des filiales sans plan social. Être de gauche aujourd'hui, c'est redonner à chaque moment important de la vie la possibilité de réussir, de s'épanouir, d'aller plus haut. Grâce au papier Macron, tu pourras aller en car à l'agence Pôle emploi. C'est ça. L'hôpital public va délocaliser à l'étranger. L'État pourra privatiser encore plus vite. Je crois que le gouvernement a pris ses responsabilités pour des réformes qui sont importantes et qui sont bonnes pour le pays. Donc, si j'étais chômeur, je ne serais pas déçu de ce qui s'est passé hier. Au contraire. Grâce au papier Macron, on te roule, on t'enfume. C'est plus de clarté, plus de réalisme, plus de vrais droits pour nos salariés. Et tu te retrouves sur la paille. Non, ça n'est pas téléphoner que de dire merci et de reconnaître le travail de chacune et chacun. C'est de la courtoisie, c'est de la courtoisie. Et je vous assure, ça aide à vivre mieux. Grâce au papier à rouler Macron, c'est le cancer du travailleur en accéléré 49.3. Nous voilà de retour pour conclure sur le plateau en compagnie de Arthur et Marie-Christine. Alors Marie-Christine, vous me disiez quelque chose hors antenne. Oui, je disais qu'en fait, on ne sait pas le futur, parce qu'on accompagne un mouvement qui est quotidien, avec ce que ça génère. C'est très beau, hein, c'est très, y a une plurivose. C'est plurivore, je ne sais pas comment on le dit, mais surtout, c'est un lieu qui va rester marqué aussi comme un lieu de reprise de parole. Et ça, c'est merveilleux, je veux dire, réappropriation de la parole collective. Et Arthur, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Oui, alors pour conclure, moi, en tant qu'économiste, apprenti économiste sur la loi travail, une dernière mesure qui symbolise cette mystification de justification économique à la loi travail sur les heures supplémentaires. Hein, cette loi travail facilite les heures supplémentaires. C'est plus facile d'en faire plus et en plus, on les paye moins. Voilà, il n'y a pas besoin d'un doctorat d'économie pour comprendre que si on fait faire plus d'heures sup aux gens qui ont déjà un travail, c'est autant d'emplois pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc, c'est un mensonge absolu de croire que cette loi de flexibilité du marché du travail, elle va faire baisser le chômage. L'exemple par ces heures supplémentaires, faire travailler plus ceux qui font travailler déjà, c'est forcément pas faire baisser le chômage. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux et on repart maintenant sur la. Merci. Procédure d'empêchement. Le pays est plein d'inquiétudes. On ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller. Un des présidents antérieurs, Lula, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, est également dans une situation difficile. Eh bien, je crois que ce soir, c'était important que on puisse partager aussi les inquiétudes, toutes les questions de ce peuple brésilien qui est très proche de la culture occidentale et de la culture française. Então, eu queria falar nisso, a respeito do Brasil. Je vais simplement dire, oui, informez-vous, portons ensemble le souci de ce qui se passe au Brésil, et puis avançons dans tout ce que nous avons à faire ici, nous, localement. Merci. Alors, merci Alain. Alors, j'appelle Sécoudé, Chris T et Lionel R à venir parler. Ok. Chris. Ça tombe bien qu'il y ait eu des gens qui soient partis en manif, là. Un pacifiste, on s'en fout. Et parce que je vous signale, vous le savez sans doute, qu'il y a des flics en civil dans la salle, là. Et donc, ça va de partout au niveau de la police. OK ? Et au niveau action, il y a une technique, et vous allez vous y mettre, bande de couillons, c'est qu'il faut que vous cryptiez vos messages. Mais je sais, mais on s'en fout. Pour l'instant, j'explique un truc. Mais si ! Qui c'est ce mec ? C'est un flic. Et donc, je vais vous donner des techniques. Une technique simple. Il y a SMS Secure. Alors, c'est une application à télécharger ou Signal. OK ? Et F-Secure peut se faire anonymement sur Internet, sur le web. F-Secure. C'est à taper. Si vous voulez faire des actions, vous passez par ce système de cryptage. Et ensuite, vous pourrez vous donner des rendez-vous pour des actions concrètes et ponctuelles. C'est ça que c'est. Là, au moins, c'est concret. Merci. Donc, c'est coudé. Lionel R ou Pascal M, s'il vous plaît, pour la parole. Non ? Ok. Lionel R. Oui, bonsoir. C'est par rapport à tout à l'heure, là, le mot parité. J'aimerais bien qu'on me donne une définition du mot parité. Parce que le mot égalité, enfin, je suis désolé, mais c'est pas un gros mot. Alors, ces histoires de, par exemple, d'écart de salaire. On en est à 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, c'est inadmissible. Mais comment on peut résoudre ce problème avec le mot parité ? Moi, je sais pas trop. Par contre, avec le mot égalité, oui. On nous parle aussi de minorités visibles. Ça non plus, je sais pas trop ce que c'est que des minorités visibles ou invisibles ou tout ce que vous voulez. Mais avec le mot parité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes dans une catégorie A, B ou C. Vous restez dans votre catégorie A, B ou C. Par contre, avec le mot égalité, eh ben, je pense qu'on avance un petit peu mieux, hein. Merci. Alors, je rappelle, c'est coudé au cas où. Radio Debout. Radio Debout, toujours sur la place de la République. Et nous recevons Alice de la coordination intermittent précaire d'Île-de-France. Bonsoir Alice. Bonsoir. Et donc, tu voulais nous parler d'une action qui va avoir lieu demain. Alors oui, je peux vous parler avant de l'action qu'on a fait ce matin ? Ah bah bien sûr. Alors ce matin, il y avait, et même je peux raconter juste deux mots de l'assemblée qu'il y a eu lundi soir. Il y a eu une assemblée intermittent et précaire où il y avait plus de 1000 personnes. C'était où ? Alors c'était au Théâtre de la Ville. À Paris ? À Paris. Et donc, il a été annoncé ce matin, on a fait une action pour aller tracter, c'est une action assez simple, pour aller tracter dans les pôles emploi et les CAF et pour aller informer tous les précaires en tout genre de la loi travail et de la réforme actuelle de l'assurance chômage. Et ce tract disait quoi exactement ? Ça raconte qu'il y a plein d'endroits où les travailleurs sont très isolés et là où les travailleurs sont les plus précaires et là où en gros les endroits où il y a déjà la casse du code du travail qui n'est pas respectée, où il y a plein d'endroits où en gros les gens travaillent en heures sup qui ne sont pas payés, où c'est très difficile de faire respecter les droits et là où le droit du travail est déjà cassé et où il n'y a pas besoin de la loi travail et la loi travail ne vient que acter pour ces gens-là ce qui se passe déjà. Et c'est très difficile de faire grève, de s'organiser et c'était d'aller discuter un peu avec les gens, de voir comment c'est possible de se regrouper, de ne pas rester isolé et que c'est possible de faire d'autres formes d'action que la grève, d'aller faire des blocages. Si les gens ne peuvent pas faire grève, de raconter là où ils travaillent, comment ça se passe et de venir en groupe bloquer l'entreprise. Enfin voilà. Et quel accueil vous a été fait ? Après c'est assez compliqué les CAF et les pôles emploi parce que et puis surtout la CAF, les gens sont assez préoccupés par comment ils vont payer le loyer demain et comment ils vont faire pour manger. Il n'y a pas forcément d'espoir, mais les gens sont très accueillants et comprennent tout à fait que c'est un peu maintenant quoi. Et vous avez pu discuter un peu, expliquer On prenait la parole dans les pôles emploi et les CAF, on parlait à tout le monde. Et on invitait les gens, on racontait aussi des choses un petit peu heureuses, comme par exemple à la grève des femmes de chambre de Campanile, qui ont gagné il y a très peu de temps la plupart de leurs revendications. Voilà, il y a des endroits où c'est possible, enfin où ça se passe, quoi. Où, tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé? Je serais pas la plus à même de raconter ça. Faudrait peut-être inviter des gens qui viendront parler particulièrement de ça. Mais entre autres, il y avait l'histoire de la réinternalisation, en fait. C'est une boîte de sous-traitants pour les femmes de chambre qui ne respectent pas le code du travail, le droit du travail. Et une des revendications, c'est d'être réinternalisée et d'être embauchée par les campaniles. Et elles ont obtenu cette revendication-là et d'autres revendications. Merci à toi. Alors, est-ce pour demain, du coup, ce rassemblement à 10h30 sur la place de la République? Et donc, demain, ça va être une action nationale qui va être aussi menée par les autres coordinations intermittents et précaires dans les autres villes en France, où partout, ça s'agence de façon différente par rapport à la Nuit debout, par rapport aux lycéens ou aux étudiants en lutte. Et donc, sur Paris, c'est à 10h30, le rendez-vous, c'est sur la place de la République. Et il s'agit de bloquer les entreprises qui exploitent les contrats précaires. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure, les histoires de CDI à temps partiel où les gens font des heures sup qui ne sont pas payées en tant qu'heures supplémentaires et de trouver une autre forme d'action qui est le blocage. Également, donc, c'est un appel de la CIP, mais ça concerne autant les salariés, les chômeurs, les étudiants, les lycéens, voilà, tout le monde en fait. Voilà, les travailleurs, non-travailleurs, de toute façon, vous êtes des intermittents travailleurs. De l'emploi, voilà, de l'emploi. C'est comme tout plein d'autres, il y a plein de chômeurs qui travaillent. Tout à fait, voilà. Et après, c'est juste, rappeler. Et pour dire à quel point c'est lié, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je sais pas, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais il y a Pierre Gattaz qui a fait une déclaration où, en gros, il demande au gouvernement de revenir sur les changements qui ont été faits sur la loi travail. Et comme menace, il utilise le fait de dire que si ça se passe pas comme eux veulent, ils vont se retirer des négociations d'assurance chômage. Bon, à la limite, nous, on s'en fout qu'ils s'en aillent. Mais en tout cas, c'est ce qu'il met en avant. Donc rendez-vous demain à 10h30, place de la République. Venez nombreux avec des baskets, des petits pulls s'il fait un peu froid. Voilà, on vous attend demain à 10h30. À demain. Pour une action. Merci Alice. Et alors, on a reçu un petit texte concernant la nuit de vendredi à samedi, pendant laquelle 22 personnes ont été arrêtées. Au cours d'incidents qui ont suivi les tirs de gaz lacrymo sur la place de la République. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas donné le nom d'un avocat de la Legal Team et ont été défendus par un avocat commis d'office, ce qui fait une grosse différence lors du procès. Ouais. Oui, alors il est très important d'avoir sur soi toujours le nom et le numéro de téléphone des avocats de la Legal Team. C'est très important. Il est difficile de rassembler les informations qu'on a eues là sur le sort de ces 22 personnes arrêtées. Certaines ont été relâchées rapidement, d'autres sont passées en comparution immédiate. Lundi après-midi, 3 d'entre eux sont passés devant le tribunal de la Cité. Il y a le premier a accepté la procédure de la comparution immédiate. Il a écopé de 3 mois de prison avec sursis. Le second est accusé d'avoir lancé des bouteilles en verre qui n'ont blessé aucun policier. Mais la couleur du pantalon qu'il portait ne correspondant pas à celui décrit dans le procès-verbal et la plainte des policiers. Il a refusé la comparution immédiate et sera jugé fin mars. Le plaidoyer de l'avocate de Legal Team a été brillant pour lui comme pour défendre le mouvement face à la procureure qui le résumait à une assemblée qui tourne mal très souvent, pour ne pas dire toujours. Le troisième, qui n'est pas de nationalité française, prenait des photos sur la place de la République et est accusé d'avoir jeté un pavé. Il a été sauvagement tabassé par les policiers qui l'ont arrêté, lui ont cassé le poignet, puis l'ont menotté. Le médecin a constaté de nombreuses contusions. Il a refusé la comparution immédiate et sera jugé fin mars également. Ces 3 jeunes sont tous actifs dans le mouvement et participent à différentes assemblées. Alors, une des leçons à retenir, il est très important d'avoir toujours sur soi le nom et le numéro de téléphone des avocats de la Legal Team et également de ne pas demander une comparution immédiate. Vraiment, vous pouvez faire appel aussi à un médecin si vous êtes arrêté. C'est très important parce que vous pouvez avoir des coups par la suite qui n'auront pas été pris en charge par le... Enfin, voilà, il n'y aura pas de témoin. Donc, il faut absolument aussi faire appel à un médecin. J'appelle à ce qu'on continue à nous donner des informations sur ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, mais nous n'avons pas énormément d'informations. Donc, s'il y a d'autres arrestations, vraiment, faites-nous des mots radiodebout@gmail.com. On voilà. Merci. Et on peut retrouver plein d'autres infos sur notamment les mesures de sécurité en garde à vue face à la répression sur paris-lutte.info. Ce qui va se passer maintenant sur Radio Debout, c'est un petit retour vers l'Assemblée Générale, durant laquelle il va y avoir une micro-coupure, mais on va revenir très vite. On annonce les coupures avant maintenant, on devient de plus en plus professionnel. On retourne à l'AG et on revient tout de suite. Pour remettre à plat, pour moi, elle me paraît un peu dangereuse. On ne sait pas ce qui va venir après. Mais en tout cas, moi, ce qui me révolte, pour faire court, c'est cette histoire-là, cette histoire de la finance qui est non régulée. Comment ça se fait que des gens gagnent autant d'argent, qu'ils puissent le planquer à l'étranger? Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir à des solutions pour éviter ça. Voilà. C'est pas normal. Tout le monde, on paye ses impôts. Quand on gagne 1 000 euros, 1 200 euros par mois, on paye nos impôts, on est contrôlé. Comment ça se fait que quelqu'un qui gagne 50 ou 100 000 euros puisse planquer sa thune? Ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se battre là-dessus. Voilà. C'est mon message. Je vais faire court. Merci. Merci. Bernard V. Génial. Ali S. se prépare et JB. Merci. Je viens de passer 3 jours à Paris et une grande partie ici. Je trouve ce que vous faites, c'est formidable. Donc, je repars demain en province et je voulais vous laisser un petit message. Je réfléchis à ce qui pourrait peut-être être une contradiction dans le mouvement. Et vous savez que quand on dépasse nos contradictions, on progresse. Je le ferai à l'aide des propos d'un philosophe, excusez-moi, c'est peut-être pas trop l'heure, qui s'appelait Jean Toussaint Desanti. Et il nous dit, nous nous trouvons dans cette situation où nous avons à bouleverser les structures de pouvoir en annulant dans ce mouvement même, le mouvement de bouleversement, les effets de pouvoir que ne peut manquer d'engendrer le bouleversement. Il ajoute, il nous faut tout repenser dans le domaine de l'action politique. Or, nous nous trouvons totalement dans cette situation. Vous voulez bouleverser les structures de pouvoir. Bon, vous voyez, on ne veut plus de F. Il est bien éteint, notre générateur, hein? Bonsoir à tous. Nous sommes à côté d'un arbre et de 2 générateurs. Et oui, car les générateurs fleurissent en ce moment, place de la République. Et donc, on nous a demandé extrêmement sympathiquement de bien vouloir vous raconter ce qu'on l'on voit et ce qu'il y a autour de nous pendant qu'on remet de l'essence dans le générateur. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alex. Je pense que peut-être certains parmi vous ne voient pas exactement ce qui peut se passer place de la République. En fait, ça fonctionne avec une agora, et autour on a une radio, une télé, des stands, des animations, on peut même manger. On peut manger du mafé, de la soupe, de la salade, on a des gens qui jouent de la musique aussi. Alors là on a par exemple un didgeridoo. Un didgeridoo, oui, ce voilà. Ce qui nous permet évidemment d'échanger, de parler, de s'exprimer, et tout ça dans une ambiance quand même globalement, malgré tout ce que vous pouvez entendre, très sympathique. Alors là, on est dans la zone exposition des portraits et paroles de Nuit Debout. Et oui, parce qu'il y a un petit studio photo qui est venu prendre plein de photos tous les jours. Alors par exemple, là, je suis face à une silhouette à moitié dans la lumière et qui s'appelle Clin d'œil à cette nuit. Ou un autre qui, le menton fièrement levé, nous intime de relever la tête. Ou encore, rien à dire, tout à vivre. Puisque Nuit Debout, évidemment, c'est la nuit. Chacun est éclairé en lumière artificielle, ça leur donne des têtes absolument incroyables pour la plupart. On passe vers la statue. On progresse vers la statue, c'est un petit peu un chemin, chemin semé d'embûches, et oui. Ici, hein. Un tout petit peu plus facile de déambuler. Les CRS sont franchement assez discrets. On est là entre gens souriants, de toute origine, franchement, de toute couleur. Et on voit que tout le monde a plutôt le sourire. Et on voit qu'ils ont rouvert le métro, et oui, parce que le métro n'était pas ouvert tous les soirs. Le métro commence à être repeint peu à peu. Hein. L'entrée de la bouche de métro porte les stigmates de cette nuit debout. Révoltez-vous ! Ouais, que revive la commune, ambitieux. Je lutte, donc je suis. Pas de justice, pas de paix. et rejoignez le mouvement, évidemment. Ça, on le dit évidemment tous les jours et toutes les nuits. N'hésitez pas à venir à la Nuit Debout de votre ville ou alors à la Nuit Debout à Paris, place de la République. Et on arrive vers un stand très très très important. Alors bah voilà, c'est le stand de la vente de bière. Hein. Alors bonsoir. Bonsoir madame. Vous vendez, est-ce que vous vendez beaucoup de bière? Le salaire business. Allez, business. Combien vous la vendez la canette? 3 euros. Et ça marche bien? Oui. Oui, Nuit Debout ça consomme. Hein. À Nuit Debout on réinvente la microéconomie. Eh ouais. Directement la vente à l'unité. Alors là on a justement un groupe de personnes assises. En train de... Mini Agora. Avec... Bonsoir. Bonsoir. Monsieur alors... Radio Debout. Ouais, carrément. Ça va bien? Ouais, carrément, et vous? Qu'est-ce que vous faites, là? Non plus. On discute, on boit de l'alcool, on fume des cigarettes, et des pétards. Voilà. Non, mais vas-y. Un bon moment avec les gens. Et les gens, ils sont contents? Ouais, bonsoir tout le monde. Enfin, j'espère qu'on m'entend bien dans le fond, ça va? Ce soir, il y avait plus de monde. Ok, super. Moi, ça fait. J'ai vu connu des soirs où la place elle était complètement remplie. Mais là, il y avait une bonne nagée quand même. Ouais, c'est tranquille, mais sinon, il y avait une bonne nagée ce soir. Ouais. C'était cool. Merci en tout cas. On vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous voilà, alors là on passe devant un stand qui vend des t-shirts estampillés Résistance. C'est la gauche révolutionnaire. À bas la loi El Khomri de casse du travail. Ah bah c'est sûr que c'est un sujet qui revient évidemment souvent sur les lèvres. Ah, on va voir quelqu'un qui fait de la pantomime avec de la musique. Alors il s'exprime de manière extrêmement silencieuse. Je pense qu'il mime un robot, on va dire hip-hop années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a le casque sur ses oreilles, donc nous n'entendons pas, mais il est très inspiré. Debout, tu sais. Bon, bonsoir, monsieur. Voilà, tous les 10 mètres, on rencontre des gens différents. Non, ce que je voulais dire précédemment, c'est qu'évidemment, la loi El Khomri occupe les sujets de conversation, ça c'est sûr. On entend beaucoup les mots, allez, Emmanuel Macron... Ubérisation, et là on arrive donc devant on arrive à l'AG, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que là on arrive à un moment du mouvement où tout le monde a un peu envie d'aller dans la même direction, c'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc les gens sont là et les gens sont à l'affût de l'action, à l'affût du concret. Alors, donc on va dire une centaine de personnes assises devant la tribune et les gens autour, et là ça sonne un peu la fin. Et on a assisté à la fin de l'AG, là, en fait, aux gens qui se lèvent pour partir, et il y a toujours beaucoup de monde sur cette place de la République. Voilà. On va se rapprocher de... On va retourner vers nos amis de Radio Debout. De Radio Debout. De Radio Debout, donc oui, effectivement, les badauds de la place de la République s'en vont doucement, s'apprêtent à quitter... quitter tranquillement mais sûrement la place, puisqu'on sait maintenant que la place doit être libérée tous les soirs à minuit, le tout dans le calme et la bonne humeur. C'est ça, et donc on a le droit évidemment à un râteau, on appelle ça un râteau chez les scouts, on parcourt la prairie pour nettoyer l'herbe. Donc j'imagine que les CRS font un râteau et ramassent chaque mégot qui est sur la place. Vous êtes toujours sur Radio Debout, la nuit est maintenant tombée et on continue notre voyage, cette fois... avec des amis européens allemands. Je suis en présence là en direct sur le plateau avec Anton et Franzi. Alors vous pouvez peut-être vous présenter rapidement, nous dire d'où vous venez. Je crois que vous faites partie d'un mouvement aussi en Allemagne. Donc voilà, nous parler un peu de tout ça. Je vous écoute. Bonjour aux hommes. Je suis très heureux d'être ici. Et c'est très impressionnant de voir ce mouvement Nuit Debout ici. Moi, je suis Anton et je suis activiste ou militant à Berlin. Je suis parti d'un groupe qui s'appelle Gauche Interventionniste. Mais principalement, je suis ici de parler de Blockupy, un mouvement allemand ou européen qui s'est formé depuis 4 ans maintenant et qui a fait des protestes. Qui a fait des protestes contre la Banque Centrale Européenne. Bonsoir, je suis Franzi, je suis aussi berlinoise et je fais mes études en droit maintenant à Paris. Et je viens très souvent à la Nuit Debout et oui, c'est impressionnant. Alors juste pour revenir un peu sur le mouvement dont vous faites partie, enfin je sais pas toi Franzi, tu fais aussi partie du mouvement Blockupy ? Non, moi pas. D'accord. Donc c'est plutôt toi Anton. Et ce mouvement Blockupy, donc tu disais qu'il faisait surtout des actions contre les banques et contre la Banque européenne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Peut-être je pourrais rappeler la situation dans le temps de la fondation de ce mouvement. Et c'était donc après la crise financière qui a vraiment disrompu toute la sûreté du capitalisme, et on a recommencé dans les années 2007 ou 2008 de parler du capitalisme et de le critiquer. Et bien sûr, donc, le gouvernement allemand a trouvé des solutions par des subventions aux banques ou par des paquets de soutien économique. Yep. Il s'est passé un peu ce qui s'est passé un peu partout en Europe et puis aux États-Unis, c'est-à-dire le rachat des dettes des banques grâce à l'argent public, en fait. Oui, exactement. Et puis, il y avait un certain... Donc, c'était calme en Allemagne après. C'était dans 2011 où on a vu les protestes en Grèce, en Espagne et tout ça. Donc, il y avait Occupy... Le mouvement de Occupy Wall Street, c'était aussi en Allemagne, mais après, il n'y avait nul. Et dans cette situation, on a décidé avec des groupes différents de gauche de former un nouveau mouvement non dogmatique, des altermondialistes de la gauche radicale, des syndicats et tout ça, pour radicaliser ou reformer le projet de Occupy. Donc on a dit c'est bloqué et occupy, donc Blockupy contre la Banque Centrale Européenne qui, dans cette situation, était un des agents principaux dans la situation de la crise européenne. Et donc, ça c'est concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc vous avez occupé l'espace public devant la Banque Centrale Européenne, vous avez fait des conférences, comment ça s'est goupillé ? Donc, premièrement, on a fait des actions directes contre la Banque Centrale. On a fait des démonstrations là pour 3 jours, je pense, avec un camp et tout ça. Et on a essayé de vraiment rétablir la critique de ce système d'austérité et de la dédémocratisation qu'on a trouvé. Et en même temps, de repolitiser la scène allemande. Et est-ce que ces différentes actions que vous avez menées, vous avez l'impression d'avoir eu un effet sur la politique de la BCE ou au moins un écho en Allemagne sur les politiques, ne serait-ce que locales ? Je pense que... Donc, il faut comprendre qu'en Allemagne, principalement... Il n'y a pas beaucoup de protestes. C'était vraiment les sociodémocrates et les conservateurs et tout ça. C'était toute cette situation qu'on a toujours pu. They put blame on Greece and the Greek people and so on, and there wasn't seen any relation between what happened in Germany and the level of austerity politics. And the situation for people in Greece or in Spain. Okay. Alors on est repassé à l'anglais, mais ça arrive. Je crois que je vais traduire un peu à l'arrache, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a tendance à blâmer très fort les Grecs, et finalement on n'arrive pas à faire de recoupement entre ce qui est en train de se passer en Grèce et les politiques d'austérité, alors que c'est là le nœud du problème. Oui, et donc ça reste... sûrement à un niveau symbolique, mais même pas, c'est important d'influencer les discours sur l'austérité. Et si on n'est pas assez fort, on peut espérer que ça change ici à Paris, mais si on n'est pas assez fort, il faut trouver des buts assez petits pour faire un effet. Je comprends. Et alors justement, en parlant d'être fort et de se réunir, on est ici, Place de la République. Je crois que vous êtes quand même souvent là. Toi, par exemple, Franzi, t'habites à Paris. Qu'est-ce qui te plaît ici ? Est-ce que tu vois des choses qui t'interpellent ? Ce qui m'étonne, c'est que ça, c'est vraiment... C'est un mouvement qui est déjà très professionnel et en même temps très ouvert. Et en fait, à Berlin, j'ai vraiment jamais vu un tel truc. Et ouais, c'est impressionnant ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des mouvements un peu similaires à Berlin ou ailleurs en Allemagne auxquels tu as assisté? Pas vraiment dans cette ampleur. Je pense que la raison de ça, que la loi de travail, ça c'est vraiment c'est un truc national, un truc qui touche tout le monde. Qui est tellement proche au peuple, aux gens qui viennent chaque jour ici. C'est pourquoi aussi les politiques d'austérité, ça c'est la problématique de Block Occupy. Ça aussi, ça reste plutôt abstrait. C'est pas la même dimension que la loi de travail ici en France. Et est-ce que en Allemagne, toi, t'étais déjà militante un peu politisée ou vraiment tu regardais un peu ce qui se passait sans vraiment y croire ou enfin juste en spectatrice? Oui, je suis allée aux manifestations, c'est clair. Ouais. Des manifestations sur quoi? Ça dépend. Surtout à Berlin, il y avait beaucoup de manifs pour les réfugiés. C'est des manifs féministes. Ouais. Et la loi de travail en Allemagne, dont on va parler plus tard, c'était moi, j'étais trop jeune pour manifester contre ça. Oui, ouais. Je comprends. Ouais. Bah justement, on peut peut-être parler un peu de la situation en Allemagne par rapport à la loi de travail. Nous, souvent, ce qu'on nous dit ici, c'est que le modèle allemand est incroyable et fabuleux et permet l'emploi de tout le monde. Est-ce que c'est un peu votre sentiment à vous? Enfin, vous êtes tous les deux, on a à peu près le même âge, je crois, dans la vingtaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien sûr, on n'a pas expérimenté le passage des lois similaires en Allemagne parce que c'était dans les années 2005 ou 2004, quelque chose comme ça. Mais il y avait des lois très similaires. On a flexibilisé les relations d'emploi et on a coupé l'aide financière aux chômeurs et tout ça. Et les conséquences sociales étaient désastreuses. On a eu une croissance massive du secteur de salaire bas. On a eu beaucoup de stress pour les chômeurs parce qu'il y avait des sanctions s'ils ne trouvent pas le travail et tout ça. Et puis, c'était le dernier temps que on a eu vraiment des protestes grands sociaux. Donc, on a eu quelque chose qui s'appelait les manifs de lundi, où dans toute l'Allemagne, il y avait des manifestations massives. Des milliers de personnes pour un an ou deux ans. Et enfin, le SPD, donc le parti sociodémocrate, a perdu tout le soutien dans la population. Et c'est ce qu'on voit maintenant en Allemagne, que la sociodémocratie est nulle. Et en même temps, c'est l'extrême droite qui veut le récupérer. Mmh. Et là, les similarités sont frappantes. Juste, parle un peu plus près du micro. Ouais. Ouais. Non, je voulais juste dire que là, les similarités entre la France et l'Allemagne en 2004-2005 sont tellement frappantes. Aussi avec, oui, comme Anton vient de l'expliquer, avec les social-démocrates qui l'ont introduit. Et oui, les effets. Oui, vous les voyez maintenant, ouais. Vous, sur votre génération, et une sorte de précarisation et d'un revenu, en tout cas, plus bas que ceux des générations précédentes. Je pense qu'il y a des différentes situations. Il y a ceux qui ont un boulot et qui ont fait un salaire assez bon. Mais à l'autre côté, il y a ceux... qui a plus de chance, oui, qui trouve peut-être un boulot, mais c'est mal payé et tout ça. Et en fait, c'est aussi très, très individualisant. Donc, les syndicats, par exemple, les syndicats allemands sont très, très weak. Faibles. Faibles. Ouais. Et il n'y a pas pas un niveau de mobilisation similaire qu'en France. C'est très morcelé et c'est pour ça qu'on essaye de lutter contre ça et de faire une sorte de justement convergence des luttes pour éviter qu'il y ait des groupes isolés et finalement seuls et donc qui ne peuvent pas mobiliser tout le monde. On va s'arrêter là, mais en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Ouais. Et puis, vous êtes toujours sur Radio Debout, et après cette petite intermède européen, on va passer à une chronique d'un auditeur, je crois. Je ne sais pas si à cette table, on parle beaucoup de radio, mais je vais vous en dire quelques mots. Pour nous, auditeurs, Radio Debout vient de nous secouer les oreilles. Un bon vent de fraîcheur qui agite la mémoire. On avait oublié qu'au rire programmé, on pouvait proposer, un petit son minuscule, deux, trois mots scandés avec une rime à la clé, une virgule entre deux paroles majuscules, sans être obligé d'avoir les yeux rivés sur la pendule. Eh, mais attention, pas une virgule mécanique, sans âme et qui fait clic, une virgule magnifique, à pleine voix, coups humains, qu'on lancerait un soir ou un petit matin. Une virgule pour marquer l'inattendu, le surprenant, l'épatant. Et puis il y aurait d'autres sons qui viendraient sans rime ni raison, juste pour donner envie d'écouter autrement et garder l'oreille en éveil. L'idée serait de ne pas tout formater, de laisser des blancs pour respirer, des espaces d'invention automatique, des silences, des soupirs, des désirs chuchotés à l'oreille qui promettraient Monts et Merveilles. Ce serait le laboratoire de Pierre Schaeffer, le club des sept Jean Tardieu, la radio dans la radio de Gareto et Codou, Pacifique FM de Claude Villers et un zeste de Chris pour le charme et l'espièglerie. La radio publique ne devrait pas bouder la République, ne pas avoir de répulsion ou pire de répulsion. La radio publique devrait venir prendre un bain tonique et sonique à la fois, sortir de sa tour d'ivoire des fois qu'il n'y aurait pas que des choses à voir, mais des choses à être aussi. Radio de Fou. Jardin derrière une maison. Pleurer ne veut qu'elle me tense à pleurer, car seuls les méchants n'ont de tenser mais de pleurer. Alors hargne, si je ne pleure, la haine devient chère et douce comme un gâteau. Si je pleurais, elle serait un nuage noir, envieux, qui soleil nous cache. Non, la haine, si je pleurais si lourdement, me poignerait, qui ne s'assouvirait de larmes. Elle me ravirait la vie, monstre qu'elle est, me dévorant à mort. Son être de poison dans son entier qu'il m'est aimable, joyeuse que je suis, jamais qui ne pleure, qui ne connaît d'autres larmes que de la joie, que du plaisir irréfléchi. Un lutin dans mes sens se loge, qui ne sait rien de la tristesse. Si elles me font pleurer, pleure ma gaieté. Me haïssent-elles ? Les aiment mon plaisir. Qui m'aime, la haine ne saurait haïr. Me poursuivent-elles, aveugles de rage, des dards du courroux ? Je souris. Mon être le leur éclaire comme du soleil. Le rayon serein éblouit s'il ne parvient à les toucher. Un instant, leur cœur endurci. Et sans cesse, en besogne étant. Pour pleurer, je n'ai pas le temps, mais pour rire, je l'ai toujours. Travaillerie, mains qui le font rit, l'âme rit, qui volontiers fait ce qui d'autres âmes butées à l'amitié gagne. Cœur, viens et chasse d'un rit mon souci. La sœur, aînée, l'impertinente, avec ses rêves en verre, elle somme trop bonne. La coquine sans y toucher se moque et prend un air contrit. La surprend-on qui rit sous cap ? Désormais, je serai le fouet de sa retorse nonchalance, que l'habit du travail la part de ses noirs poussiéreux nuages. Qu'elle rêve alors de beauté, la masque qui ainsi, oisive, se tenait. Voyons, sur le champ, quelle est à faire tant et plus. Elle ferme la fenêtre. Oh ! Radio Debout ! Ah ! CRS. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bien là, j'ai des ouvriers en grève, ils menacent de faire sauter mon usine. Je peux vous proposer un CRS. Mon grand est en grève, il bloque l'entrée de son lycée depuis 2 semaines. Oui, je vois. Pour ce type de problème, un CRS fera très bien l'affaire. Ma fille, elle ne veut jamais faire ses devoirs. Laissez-moi réfléchir. Je peux vous proposer un CRS ? Moi, ma femme, elle refuse carrément de faire la vaisselle. Dans ce cas-là, c'est sûr, j'irai vers un CRS. Bon, bah, je crois que vous m'avez convaincu. Je vais prendre un CRS. CRS. Un moment de révolte ? Il y a toujours une solution CRS. Appellation protégée d'origine républicaine, valable sous la droite comme sous la gauche depuis 70 ans. Pour votre santé, attention à l'abus de gaz lacrymogène. Radio Debout. Puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, ces petites publicités ont été rachetées à une émission qui s'appelle La Méga Combi et qui passe tous les mercredis à 18h sur Radio Canu. Et je vends pas du tout mon beurre. On est toujours sur Radio Debout. L'AG c'est terminé. La place s'est un petit peu calmée. Du coup, on a beaucoup de gens qui sont venus, tous ces gens qui viennent pour participer au débat, mais qui viennent aussi un peu en spectateurs de ce qui se passe sur cette magnifique place de la République. Ils n'ont plus d'AG observé, donc ils sont venus sous cette tente où il y a la télé, il y a Télé Debout, et il y a nous, Radio Debout. Donc il y a un petit peu plus de monde. Et on a une musicienne qui est arrivée et qui s'appelle... Candice, et mon projet s'appelle Winnipeg. Qu'est-ce que tu fais sur la place de la République, toi ? En fait, j'habite l'Ariège et je suis arrivée à Paris ce soir et je me suis dit je vais quand même faire un tour à la place de la République. Et je vous trouve, j'ai pris ma guitare quand même au cas où et vous m'avez invité à venir clôturer cette émission. Je suis très contente, c'est génial. Mais du coup, t'es en Ariège, t'es venue pour faire de la musique à Paris ? Ouh là là. Pour demain, je pars à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, rencontrer un bébé. Voilà. Okay. Et juste depuis l'Ariège, on entend parler de Nuit Debout, peut-être celle de Toulouse. Mais bien sûr, ouais. Oui. Et même alors à Toulouse, tous les jours, il y a une Nuit Debout. Et moi, j'habite l'Ariège et il y a des Nuits Debout dans des villages. Il y a une Nuit Debout à Mirepoix. Il y a une Nuit Debout à Cazères, mais 4500 habitants, c'est mon village de Haute-Garonne. Et donc, c'est génial de voir ça, quoi. Il faut que tu nous files les contacts, qu'on les appelle, qu'on relaie. Mais oui, dès que je rentre, la semaine prochaine, je vous filerai tout ça. On peut entendre sur certains médias dire « Nuit Debout, c'est une opération médiatique qui n'existe qu'à Paris », mais en fait, dans des villages. Voilà, ah quoi. Oui, c'est, moi, je viens de l'autre bout de la France, et même dans les villages, il se passe des choses. Et effectivement, vendredi dernier, on s'est retrouvés à Cazères. Vendredi prochain aussi, et à Mirepoix, encore une fois, tout le monde est mobilisé, même dans les petites communes. C'est ça qui est beau, ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Je vais vous jouer ce soir, une reprise de John Lennon qui s'appelle A Working Class Hero is Something to Be. Un héros de la classe ouvrière est quelque chose à être, à vivre. Allez, musique sur Radio Debout. Still fucking peasant as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Room at the top, they're telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. Folks on the hill. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. To be a hero, well, just follow me. Bravo, bravo à toi. Merci et bravo à vous tous. Bravo, bravo à vous, vraiment. Vous êtes vraiment beaux. Vraiment, vous êtes beaux. C'est la fin de ce 50 mars sur la place de la République, c'est la fin de cette antenne Radio Debout. On rappelle qu'il y a un rendez-vous demain matin à 10h30, c'est sur la place. Place de la République avec basket et pull, voilà, pour avec la CIP, les chômeurs, les salariés, les étudiants, les lycéens, tout le monde. Les mêmes, les intermittents. Il y a aussi un rendez-vous à 18h à la Bourse du Travail, c'est les comités d'action contre la loi travail et son monde. Donc c'est à 18h la Bourse du Travail à Paris, c'est 3 rue du Château d'Eau. Et puis c'est aussi là-bas que se tiendra une sorte de grosse réunion que nous a annoncé tout à l'heure François Ruffin, tous les initiateurs du mouvement pour la suite de la Nuit Debout, pour les éventuelles conjonctions avec le monde syndical et les quartiers populaires pour la révolution, en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Vive Radio Debout! Merci de nous avoir écoutés, on revient demain à 20h.